Alors, est-ce que tout le monde a mangé sa banane? Non. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas fini en plus. Il lui reste un petit bout. Vous êtes horrible avec moi. Ça y est. C'est déjà insupportable. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Connery Show, 25e édition. Non. Yes. C'est faux. Déjà? C'est absolument faux. C'est un bon début. C'est la troisième émission, mais cette fois-ci, non pas un, ni un et demi, mais deux invités de marque. Fabien et Maddy. Merci d'être bienvenue là aujourd'hui avec nous. Bah de rien, merci à vous. Le principe c'est qu'on applaudit à tout et n'importe quoi. Ah non, c'est chiant, c'est ouais, vraiment c'est chiant, c'est le principe. Ouais, je suis désolé. Ça, je vais essayer de m'en tenir. Je suis très bon public donc je vais applaudir tout le temps. Ah cool. Maintenant je ferme ma gueule. Bonne app. Tu veux pas la finir ta banane? Je l'ai gobé là. Je l'ai gobé. On va commencer par présentation des invités. Maddy, dis-nous qui tu es, présente-toi au public. Ok, j'ai l'impression d'être en entretien d'embauche là. Bonsoir, je m'appelle Maddy, j'ai 25 ans. Enfin, je m'appelle Madeleine en fait, mais tout le monde m'appelle Maddy. Donc j'ai 25 ans et en fait j'ai plein de passions dans la vie, dont raconter des blagues. Ah, ça c'est bien. On t'en demandera même, une. Hein. Je peux même vous en faire une si vous voulez. Alors, c'est hyper long quand elle en fait. Moi, je sais pas. Finis ta présentation, alors on fera une blague après. Non, mais c'était une blague, je vais pas faire de... Bref. Ok, ça commence Inception bien. De blague. C'était une blague, je vais pas faire de blague. Du coup, j'ai plein de passions dans la vie. J'adore le maquillage, donc je travaille dans une boutique qui s'appelle NYX Cosmetics. Donc c'est une marque de cosmétiques en fait professionnelle, donc un peu moins chère que les marques, les grandes marques qu'on peut trouver dans le. Merci pour le bruit de chiffres. Dans le commerce. Sinon j'adore la musique. Je fais aussi pas mal de photos, donc. Avec un petit gars qui s'appelle Johan, ici présent, et avec d'autres photographes aussi. Et donc voilà, passion photo en tant que modèle, et après j'ai plein d'autres hobbies, hein, mais on y reviendra peut-être dans la soirée. Oui, super, ok, très bien. Et toi Fabien? Alors moi c'est Fabien, donc j'ai 32 ans. Non merde, oh, j'ai raté. J'ai 35. Oh, merde. Je me disais aussi, il manquait quelques années. Non, en fait, donc j'ai 35. Moi, j'ai créé mon entreprise dans la restauration de voitures anciennes. D'accord. Donc, j'ai un photographe qui vient également au local. Okay. Putain, le mec a foutu tous ses contacts. C'est ça. Allez, hop, ça c'est fait. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment la passion de l'ancienne. Après, j'ai fait pas mal de métiers avant. Je me suis pas arrêté à un seul métier. J'en ai fait en tout 5, voire 6. Donc je pense qu'on viendra en parler au fur et à mesure de la soirée et tout tranquillement. Je pense qu'il faut éviter de tout dévoiler d'un coup. Ben ouais, ouais. C'est ça. Sinon les gens quittent directement. Ouais, ils sont chiés en fait. Tout est dit, bon bah je me casse. C'est ça. Et après, on vient juste de finir le boulot, donc vite fait arriver ici, parce qu'en plus je me suis fait engueuler, je suis arrivé à la bourre. Hein, Yoann? Moi j'étais à l'heure. Ouais, moi aussi j'étais à l'heure, mais bon on m'a dit d'aller faire des courses, donc je vais faire des courses. T'as mal lu le SMS, vraiment. Il fallait relire le SMS. Ah, tu crois que j'ai que ça à faire ? Donc voilà, en fait, mes passions, c'est vraiment les voitures anciennes, et puis après, j'en ai d'autres derrière, qui sont un peu longues à dire. Ok. Yes. Bon, une fois n'est pas coutume, nous, on va se présenter, parce qu'on l'a jamais fait. On s'est jamais présenté. On s'est jamais présenté. Les gens ne savent pas qui on est. Juste deux cons qui font des vidéos, c'est tout. Sur une chaîne qui s'appelle Connery. Ouais. Non, c'est ça. Et Sean. Ouais, c'est hyper. Non, mais c'est un jeu de mots, en fait. Elle vient de comprendre en fait. Elle vient de comprendre. Bah non. Mais non, mais elle a pensé que t'as pas compris. Bon, ouais, oh, ça y est. La vanne. Est-ce qu'on peut parler de nous, s'il vous plaît? Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Allez, je te laisse commencer. Johan, je fais principalement des trucs de type artistique, de la photo, de la vidéo, de l'écriture. On va acheter des bouteilles, on mange des burgers. On devrait manger une pizza bientôt aussi. Ouais. Et voilà, directeur artistique, photographe. Ça résume. Cool. Okay. Allez, bisous. Et moi, Elliot, 28 ans, et je suis réceptionnaire / gestionnaire de stock, mais aussi réalisateur et acteur en tant que passion. Voilà. Yes, je voulais dire mon âge, j'ai 14 ans. Allez. Ça se voit bien. Allez, 13 ans. Ok, j'ai surestimé. Toujours un aimant hein, sur son âge, mais bon. Il ment comme il respire. J'ai arrêté de respirer. Bon, bah on va passer au premier sujet. On commence par toi, Maddy. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Est-ce que tu as fait des découvertes ou des choses dont tu aimerais parler? Dis-nous d'accord. Tout. Alors, on englobe tout le week-end, donc c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, ou alors tu peux mettre le lundi aussi. La semaine dernière. on va parler de l'année. T'as fait quoi cette année? Ouais, c'est ça. Et les années d'avant aussi. On défonce directement les questions. Quoi. Tu peux pas répondre simplement parce que t'as foutu ce week-end. C'est très pertinent. Ma réponse, tu vois. Ces derniers jours. Ces derniers jours, en gros. Samedi, du coup. Alors, vendredi soir. non, alors bon. Recentrons-nous. Donc samedi, je bossais à la boutique, donc à Nyx. Et en fait, en ce moment, je préparais un concours qui s'appelle les Squad Awards, qui est organisé en fait donc, entre toutes les personnes qui travaillent donc, chez Nyx dans le monde entier. Donc en gros, c'est un concours entre make-up artistes qui en fait veulent montrer un petit peu ce qu'elles savent faire et ce qu'elles veulent faire. Et donc chaque année, il y a ce concours qui est organisé donc dans ce groupe de make-up artistes et suivant un thème qu'on doit respecter pour en fait gagner donc à la fin, je pense, une formation donc avec une grande make-up artiste et un voyage, je crois, aux États-Unis, ou après je sais pas trop le lot à la fin, mais en gros c'est vraiment pour se perfectionner dans ce qu'on aime faire et dans une passion commune à tous ceux et celles qui bossent donc chez Nyx. Donc voilà, ce week-end, moi, je me suis pas mal entraînée sur ce concours. Donc, toute la journée, de 6h à 23h dimanche, j'ai fait ce petit maquillage. Mmh. Et du coup, voilà, c'était donc la deadline dimanche soir à minuit. Donc voilà, le stress est passé. Et voilà, donc j'ai pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de découvertes. Parce que si vous me demandiez si j'avais fait des découvertes, non, pas beaucoup. Beaucoup de make-up artists, oui, en termes de découvertes. Ouais. Mais sinon, beaucoup de découvertes par rapport aux techniques, etc. Parce que du coup, j'ai dû un petit peu tout apprendre moi-même. Et en 24 heures, c'est un petit peu, un peu compliqué. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de participants au concours à peu près? Alors combien de participants, je sais pas du tout, parce qu'en fait là on est au challenge 1, donc ouais. Le challenge 1 c'est vraiment entre toutes les personnes qui travaillent chez Nyx en France, donc voilà c'est vraiment pour l'instant au sein de la France. D'accord, c'est la France, oui. Sur la France, et après donc dans le monde, je sais pas, et je pense qu'il va y avoir peut-être des centaines de participantes, mm-hmm. Je sais pas du tout, je pourrais pas te dire en termes de quantité combien il y a de personnes, mais je pense que ouais, il y a une bonne centaine de participants et de participantes à ce concours-là. Donc là, c'est pour la France, mais en fait, en parallèle, il y a vraiment le concours en Italie, en oui. Espagne, enfin voilà, dans tous d'accord. Les autres pays du monde. Est-ce qu'il y a un affrontement entre pays après, ou genre les gagnants de la France vont ensuite être contre les gagnants des autres pays? Est-ce que... Alors oui, justement, là, le challenge 1, c'est vraiment entre toutes les personnes de la France, donc il y aura un top 5, donc mm-hmm. Les 5... meilleures entre guillemets personnes qui seront sélectionnées par le jury donc gagneront le premier challenge et du coup pourront accéder au deuxième challenge qui sera, je pense, entre toutes les filles d'Europe, il me semble. Donc voilà, et après ainsi de suite au troisième challenge, c'est vraiment les 5 meilleures mondiales qui vont s'affronter d'accord. Sur un petit thème assez sympa. C'est du lourd. Voilà. Okay. Non, on te souhaite le meilleur. Et merci, c'est gentil. Donc c'est tout pour ton week-end. C'est déjà pas mal. J'ai bu hein. Des bières aussi avec les copines samedi soir. C'est important. Pour ça me détendre un peu. J'étais un peu stressée, mais bon. Mais voilà. Très bien. Beau programme. Johan, tu nous racontes ton week-end? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Je sais même plus. T'as dormi en fait? Si, mais si, je sais. Ça y est, je sais. C'est parce que c'est passé tellement vite. Samedi, j'ai passé la journée en post-production chez moi. Ouais. Donc c'est vraiment de, je sais pas, j'ai dû commencer à 6 ou 7 heures et j'ai fini à 19 heures parce qu'après je suis allé voir un concert à Carquefou, mm-hmm. Ça faisait longtemps et j'ai fait des photos, ça faisait longtemps aussi. et le lendemain je l'ai passé en famille et le soir, qu'est-ce que j'ai fait le soir, pourquoi je suis rentré plus tôt, après j'ai bossé sur le spectacle de Chloé Poirier qui était là à la première émission. Mm-hmm. C'était notre première fois à tous. Oui. J'ai bossé sur son spectacle, un montage vidéo. Lien dans la description. Ok, bah ouais, carrément. Voilà, on a bossé et voilà, jusqu'à 2h du mat. Et la base. La base ouais. Pour toi. Et après, j'ai pris le train à 6h pour Paris et ça y est, je suis là. Donc t'as passé le lundi sur Paris. Plus le lundi soir. Ouais. Plus, enfin, je suis arrivé ce matin. D'accord. Voilà, clairement. Oui. Tout va bien. Qui? Paris, ouais, c'est super, c'est magnifique. Magnifique. J'aime il paraît. Il y a des gens, il y a des bâtiments, des. C'est plutôt grande ville. Enfin. Ouais. D'après vite, ce qu'on a. Vite. Ouais. Voilà, cinquième plus grand périphérique de France, malgré ce qu'on pourrait croire. Oui. Nantes est troisième, si vous voulez savoir. On est bien placé. Ouais, et c'est... Bordeaux est premier, il me semble. Bordeaux, Lyon. Bah, non, je crois Lyon. Lyon est deuxième. Ouais. Bordeaux est premier, il me semble. On nous donnera tort au montage. Ouais. Oui, c'est ça. Quand on aura vérifié voilà. Tout ça. Ouais. Alors, tu ne me dis pas que tu vas faire comme à l'école, à cacher ton téléphone sous la table pour répondre à tes SMS. C'est non, mais le souci, c'est que moi, je peux le plus vieux. C'est le plus vieux, c'est encore celui qui a le plus de réflexes ouais, de l'école. C'est ouais, mais incroyable. En même temps, c'est que voilà, je suis sur un toujours, dossier important. Ouais, on va dire. Toujours la bonne excuse. Non, en plus, un dossier important, d'accord. Ouais, si, là, pour un client. Tu as vraiment caché la dossier. Ouais, mais ça arrête pas de sonner. Mais ça arrête pas de sonner. Oh putain, tu le retournes. Ça fait déglinguer. Eh ben, au tableau, du coup, allez, raconte tout ton week-end. Moi, en fait. Raconte tout ton week-end, ton petit lundi. Week-end. J'ai répondu à mon téléphone. Quand j'ai eu le temps. Quand j'ai eu le temps, ouais. Là, t'as pas le temps. On doit considérer ça comme pas le temps, là, actuellement. Bah non, j'évite, parce qu'après, ça le fera mal. Mais le week-end, non, qu'est-ce que j'ai fait? Samedi matin, j'ai été voir un client. Pour encore une vieille voiture à restaurer et tout. Donc, il était beau, le client? Non, la voiture était belle. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Qui dit belle voiture... C'était quoi comme voiture? Alors, pour te donner une idée, c'est donc une 504 Peugeot avec un moteur V6 boîte automatique. Donc, c'est une voiture qui commence à être très rare. Déjà, avec un moteur V6, c'est très compliqué à trouver. Mais non, c'est un client, voilà, ça fait quelques moments qu'il m'avait contacté. Et là, je suis passé parce qu'il y avait un petit entretien à faire sur sa voiture. Donc, on va essayer de négocier ça pour la semaine prochaine. Et là, il est tenté pour acheter une vieille voiture américaine, faire une importation de voiture américaine. Donc, ça serait partir sur une Ford Mustang. Donc, c'est partir même sur une Fastback. Donc, c'est des voitures qui sont cotées à peu près entre 45 000 et 60 000 euros. Vous aussi, vous comprenez plus rien. Voilà. Je vous ramène un petit chinois, juste. C'est ça. Mais ça me fascine quand même, même si c'est du chinois. Donc, non, j'ai fait ça le matin. L'après-midi, là, je me suis trouvé une petite passion sympa, c'est la détection. Donc, aller dans les champs, trouver des pièces de monnaie et des choses comme ça. Donc là, on a trouvé quelques pièces romaines et tout. Donc, bon après-midi avec un beau temps. Des pièces romaines entières. Vraiment, quoi, c'était quoi, la cuisine, la salle de bain? Ah non, même la chambre. La chambre. Mieux. Non, c'est vraiment des petites pièces. Tu vois, des pièces de monnaie. Voilà. Ah faire oui, plus okay, clair pour toi. Oui. Tu sais, j'étais sur un KGB. Ouais, chiotte, c'est ça. Donc ça, le soir, on a été un peu tranquille. On a fait une soirée tranquille. Et puis, le dimanche, j'étais en train de faire un vide-grenier. Ah, où ça? Sur la Bernerie. T'as trouvé des trucs? Non, j'ai vendu. Ah, t'as vendu des trucs, d'accord. Parce que, bon, avec tout le stock que j'ai à la maison, allez, on va faire un peu de place. Donc, non, bien vendu, mais bon, il avait fait un petit peu un temps de chiottes. Il a fait beau le matin et flotte l'après-midi, donc c'était chiant, mais il faisait froid. Et après, tranquillement rentré le soir. Et bon, après, en pleine nuit, je me suis réveillé, comme d'habitude... pour regarder une petite série. Mais on va éviter d'en parler parce que... Non, c'est pas vrai, ils vont commencer avec Ghost. Oh, sérieux. Moi, je l'ai pas vu, donc on n'en parle pas. Ouais. Non, mais de toute façon, même pour les gens, on va pas en parler. Spoiler, bah, voilà, on va éviter. Les gens péter leurs câbles sur Instagram. Ah, bah, il y en a, ça peut arrêter. Mais oui, complètement. Ça peut arrêter. Mais en même temps, il y en a qui ont téléchargé. Ça y est, la fin de la saison, il y en a qui ont déjà téléchargé. Ah. Ouais, il y a 55 millions de personnes qui l'ont téléchargé. What? Ça a fuité. Ouais, pas bon. Oh merde. Mais en même temps, bon, il y a eu que 6 épisodes. Ouais, il y a 6 épisodes et il y en a 8 en tout. Donc les deux derniers, ils sont pas encore faits. Non, en fait, il y a 2 épisodes qu'ils ont pas encore sortis. Oui, qu'en fait, le réalisateur, plutôt l'écrivain, a dit les deux derniers épisodes, on va pas les donner tout de suite. On va pas les faire maintenant. D'accord. Moi, je savais pas. Pour après faire une fin, en fait, il y aura un choix de fin. Putain, donc là, la fin de la saison, c'est toujours pas la fin. Bah en fait, il y a 6 épisodes qui sont là, qui vont sortir. Ouais, et il y aura les 2 derniers qui vont sortir juste après. Ça m'insupporte. Voilà. J'arrête de regarder. Me spoiler, je m'en bats les couilles. Bon, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, voilà, c'est ça. Final, voilà, c'était une parenthèse. On en parle à fond. Parenthèse hyper chiante. Nadia, elle s'en fout complètement. Moi, je m'en fous complètement. Alors là... Bah d'ailleurs, c'est mon tour, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé Game of Thrones aussi. Tu m'énerves. Non, j'ai fait quoi ce week-end? J'ai reçu des amis de, qui venaient de Paris, qui passaient le week-end à Nantes. Donc voilà, c'était cool. Je suis allé au ciné voir Avengers, le dernier. Ah, il était bien. Endgame, ouais. Donc, là, on va trop parler bien. Vraiment de tous les trucs que j'ai pas vus. C'est ouais. Ça, moi non plus. Donc, t'inquiète. Vu, même chose, on spoile pas parce que c'est quand même, c'est fou quand même comme ça clôture. Je sais pas combien de films, mais depuis 2008. Depuis 2008, en fait. C'est ouais, bien, bien plus que 12. Bah, c'est simple, t'as tous les. Bon, ouais, ouais. Je sais pas, mais. Il y en a plusieurs. Moi, j'étais sur 18. 18. Faites vos joueurs, rien de plus. Non, mais c'est ça. Ça fait beaucoup quand même. C'est un truc de ouf. Ah non, non. Je sais plus, mais c'est vraiment, c'est. Ah, tiens, c'est bien. Avengers c'est, et autres. Tu l'as vu en 3D? Alors moi je regarde pas les films en 3D, j'aime d'accord. Pas ça. Donc non, j'ai fait un marathon, il passait le premier et le deuxième. Donc, ça faisait à peu près 6 heures de film, c'était quand même... Oui, mais c'est trop bien, putain. C'est trop trop bien. Ça te met bien dans le bain. Dans la marathon à l'hôtel. Ah, ah moi je pensais au grand bain du coup. Ouais moi aussi je cherchais un génial, blague avec le grand bain. C'est trop bien. Ouais, génial. Voilà, sinon un peu de ménage, de bricolage, m'occuper des gros cons, des chats. Oh, ça allait si vite. Je déconne, et je bon, les alors, adore t'as les chats. Quoi comment ça s'appelle la série entière? C'est le MCU, Marvel Comic Universe. Phase 3, phase 4, je sais pas. Je me permets. Je comprends pas. Donc là, on est en train de regarder ça, quoi, vraiment. Mais en gros, en fait, on attend la réponse. Hein. Et on le mettra au montage, hein. Allez, voilà, c'est salut. Ça. Allez, bisous. XOXO. Wow. Influenceuse. Hey, c'est incroyable d'être avec trois mecs qui sont complètement, mais genre, j'ai l'impression que c'est, par rapport à mon monde, c'est genre... C'est le Tokyo Paris, quoi. D'accord. Qui a quoi de plus? Pas grave. Elle s'est lâchée toute seule. Ouais. Et Tokyo Paris, c'est une référence raciale, mais j'ai pas compris. Si. Non, c'était pour dire que j'avais un train de retard. En fait, tu es jeune. Bref. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Allez, ah, mais c'est que t'es influenceuse. Voilà. XOXO, toi tu sais du pas coup, ce vous que mettrez c'est. Bah, mes comptes en barre d'informations, etc. Donc, allez liker, follow. Ouais, bien sûr. Ouais. Abonne-toi. Invite tes potes, c'est 50 balles. Ouais. N'aie pas mon Skyblog, hein, s'il vous plaît. T'as un Skyblog? Ça, c'est oula fait. Là. Allez, hop. Oh, j'ai parlé de Skyblog. Comment elle s'est vendue toute seule? Moi, j'avoue, j'ai encore des Skyblog qui traînent. Mais moi, j'ai supprimé le mien. Je suis trop déçu. C'était vraiment mythique, quoi. Mais ouais, moi, j'en ai pas. Jamais. Je crée une nouvelle adresse. Ouais. Et je linkais un article vers le nouveau en disant je change d'univers. Et je voyais oui, sur oui, un moi autre. Aussi. Ah, donc ça veut dire que t'en as ouvert pas mal. Ouais, je dois en avoir, je sais pas, 3-4 plus. Ouais, c'est ça. À l'époque, on en créait pour les groupes de musique. Ah, oui, ouais. Bah, c'est ouais. Complètement bizarre, ouais. Mais bon. Et du coup, plus les groupes de musique, quoi, doit y en avoir moins d'une dizaine quand même, mais il y en a quelques-uns qui traînent. D'accord. Et les mots de passe, autant dire que. Ah bah là. C'était toujours le même. Ben non, parce qu'à un moment j'ai changé quand je suis devenu avec des comptes sérieux à la fac et tout, je me suis bon, je vais choisir un vrai mot de passe. À la fac, t'avais encore un Skyblog. Je tiens à préciser que. Non, parce que j'avais abandonné. Je crois que j'ai arrêté Skyblog quand Facebook est arrivé. Et qu'on a tous abandonné MSN. C'est vrai. Ouais. Exact. C'est vrai. Moi, c'est ça. Hein, c'est les gens, le pseudo MSN c'était disait... C'était 2008, on se retrouve sur Facebook. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et puis après, MSN est mort. Et Skyblog était mort avant MSN même, je pense. Non, non, c'était à peu près pareil. Mais ça existe parce encore. Parce que sur MSN, on disait, vas-y, donne ton Skyblog et tout. Partage les commentaires, je rends tous les commentaires et tout. Oh, voilà. Et tu cachais aussi du texte dans les articles. Oui. Tu mettais la même couleur que oui, le oui. Et tu cherchais dans l'article de tes ça, potes et, bah, et des filles et des mecs. C'était les mots secrets. Tu stalks des gens et tu cherches partout dans l'article en surlignant pour voir ce qu'il a caché. C'est ça. Ah, on a tous fait ça à vous. Même pas. Je l'ai fait. Non. Je l'ai fait. Mais on n'est pas de la même génération. Ouais, après. Ouais. Du coup, un ordinateur, ouais. C'est le truc. Ouais, on m'a sorti de ma tombe, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. Ta tombe. Ouais. J'ai pas de blague. Non, bah, heureusement. On va parler un peu plus de vous, Maddy et Fabien. Donc, toi, Fabien, du coup, t'as une entreprise de. Explique-nous, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, donc, moi, j'ai une entreprise, comme je disais, donc, de restauration de voitures anciennes, donc, qui est basée sur Nozay. Donc, ça va faire 2 ans que donc, j'ai changé le statut. En fait, je suis passé en SARL avec un collègue, on est associés. Et juste avant, donc j'avais déjà une petite entreprise pendant presque 5 ans où je faisais de l'aérographie. Donc je faisais tout ce qui était des décors sur tout support, que ce soit des maisons, des intérieurs, des extérieurs, des meubles. Je faisais également du body painting, donc du dessin sur le corps. J'ai fait quelques casques, des motos complètes en déco. Et donc j'ai eu la passion de la voiture ancienne depuis tout petit, et donc j'ai commencé à attaquer un peu l'ancienne avec mon voisin, et en fait ça a commencé à prendre, et on s'est rendu compte un petit local ça suffit pas, donc il faut plus grand. Donc qui dit plus grand dit changer de statut, donc c'est pour ça qu'on a changé carrément de statut. Et donc moi je restaure vraiment tous les modèles de voitures anciennes des années on va dire 1910 à 1980-85. D'accord. Donc c'est vraiment une grande passion. Là, actuellement, on a à peu près une quinzaine de voitures au local. Donc ça va de l'européenne à l'américaine, à l'italienne et tout. Donc on a vraiment tout type de véhicules, même des motos. Et là, je suis en train de voir en même temps pour travailler avec certains produits qui viennent des États-Unis. Donc je fais de l'importation de produits US parce qu'ils ont une grosse qualité de matière qui a un gros potentiel de peinture qu'on n'a pas en France. Et c'est pour ça que là je suis en train de développer un peu ça. J'ai aussi un produit qui ça fait 5 ans que ça existe aux États-Unis, que ça n'existe pas en France. Donc là je suis en train de travailler un peu dessus. Johan est un peu au courant. Je suis dans le secret. Normalement, il va être présenté, je pense, au mois de juin, ça va commencer à être présenté. Mais on doit voir, puisque là, ce produit-là, ça sera pour une discothèque qui sera sur la Vendée. Pour une discothèque Qui existe pas encore. Pour exposer dans une discothèque ? Non, en fait, je vais faire toute une déco pour la discothèque à l'intérieur de la discothèque et sur peut-être un véhicule. Donc là, on va voir ça, on est en train d'en discuter un petit peu, mais bon, ça va être un beau, beau projet. Oui, il faut le couvrir en vidéo, ce truc. Ah bah, obligé. En juin, c'est ça ? Ouais, j'ai mon agenda là-bas. Et non, c'est un beau projet et voilà, l'aventure avance bien, on a des très bons clients, maintenant on fait plein de choses. Et on est bien bien pris et là on est en train de voir à évoluer un petit peu. On va avoir peut-être quelqu'un qui va venir travailler avec nous en plus, parce qu'on en a besoin. Et si ça continue, on va voir à prendre des apprentis et si vraiment on éclate tout, aller encore plus loin. Bah ça fait de l'emploi, c'est bien. C'est ça, c'est ce qu'on cherche. Et puis en même temps, on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers les voitures anciennes. Des passionnés, hein, je suppose. C'est ça. Mais parce que les jeunes, maintenant, ils se disent « Oui, maintenant, on a des voitures en plastique. » Parce que maintenant, c'est tout en électronique. Dès qu'il y a un problème, ça coûte des bras, même plus que le bras même. Et les gens, maintenant, les jeunes, c'est ça, c'est voitures anciennes à fond. Et ça fait vraiment plaisir. Et même quand on voit, on a eu une petite stagiaire de 18 ans, une femme en plus. Et c'est ça qui est génial. On se dit que ça touche tout le monde. Et avoir une petite jeune qui vient dire « voilà, je suis motivé, je suis intéressé », on l'a pris pendant 15 jours. Et puis là, on a appris qu'elle refait une formation pendant 3 semaines chez un autre concurrent avec qui on s'entend. Très bien, mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Autant que les jeunes aillent à fond, parce bien sûr. Au moins, quand on voit des jeunes qui sont motivés, c'est le plus important. D'accord. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as des contacts aux États-Unis, du coup ? Ouais, j'ai quelques contacts. Là, on en a un nouveau qui est situé à Las Vegas. Mmh. On en a deux en Californie et un dans le Wisconsin. Donc, ça permet d'aller chercher des voitures un peu partout dans les États-Unis. Donc, on n'est pas bridé. Et on fait vraiment à la demande du client. Et là aussi, on est en train de voir pour travailler avec le Japon. Parce qu'il y a des voitures anciennes au Japon qui sont dans un état concours. Il n'y a rien à faire dessus. Mais les Japonais, en fait, ils n'ont pas la fibre de la collection. Et donc, maintenant, ils vendent ça, ils bradent les prix. Et donc, nous, ça peut être très, très intéressant. Bien sûr. Donc, c'est vraiment génial. Donc, t'es passé en SARL il n'y a pas longtemps. En fait, t'étais en Avant, j'étais en micro-entreprise. D'accord. Et plus ça allait, quand tu commences à dépasser un peu le chiffre, on te dit, allez, passe le pas et va plus haut. C'est obligé à le faire ou c'est parce que c'est trop de contraintes après Après, c'est trop de contraintes parce que au niveau de la facturation, c'est complètement différent. Ouais. C'est pour ça, vaut mieux passer directement à CRL et au moins t'es tranquille derrière. Bon, tranquille, c'est un grand mot, hein, parce qu'on paye plus cher. Hein. Après, c'est vraiment propre à chaque profession et c'est ce que tu as besoin d'acheter, oui. La façon de fonctionner. Ouais. Très bien, je crois qu'on a tout dit. Exactement, de toute façon, après, bon, voilà, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci. Ouais, bon, de toute façon, il y aura bien sûr ta page Facebook et ton compte Instagram en description. Ça, et puis également, page Internet. J'ai une page Internet. Oui. Avec les photos de monsieur Johan Gérard. Un site Internet. Ah, il n'y a pas que les miennes, hein. Vous en avez fait au téléphone. Ouais, mais ça, c'est des vieilles. Triées. Triées, ce qu'il y a. Je ne suis pas responsable. Mais il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes faire des photos. Ouais, ouais. Mais j'aurai du temps la semaine prochaine, d'ailleurs, tiens. Et tu regardes encore ton téléphone là, hein. Et vous l'avez, enfin, tout le monde voit là. Hein. Attends, je suis en train de voir pour acheter une voiture. Alors mais en même temps, c'est normal. Mais c'est pas possible. C'est en même temps. Attends, t'as dit qu'elle était belle la voiture, donc en même temps. Du coup, m'a dit, on va passer à toi. Donc, alors, toi, c'était quoi la question? Il y en avait vous pas. Pouvez répéter la question. Stéphane, est-ce que tu peux prendre ton temps, s'il te plaît, m'a dit. Dis-nous en plus sur ton métier. Toi, t'es surtout dans le maquillage. Alors maintenant, oui. Depuis novembre, je travaille donc chez NYX donc à Nantes, qui est une boutique de maquillage donc professionnelle. Donc ça fait partie d'une de mes passions. Avant, j'étais donc conseillère dans la fringue, dans les vêtements en fait, chez Crazy Republic. Donc je ne sais pas si vous connaissez de nom ou de oui, nom en si. Large, en travers. C'est un magasin. Voilà, c'est un magasin. Pourquoi tu me regardes à ce moment-là quand tu dis si je peux aider Est-ce que tu connais Fabien Crazy Republic Oui, quand même. Il y en a un à Rennes aussi. Donc, ce premier travail, ça faisait partie d'une autre de mes passions, donc, qui est la fringue, la mode, le visuel. Donc voilà. Et du coup, depuis peu, j'ai voulu un petit peu changer de domaine et vraiment en fait travailler dans ce que j'aime plus que tout, donc la beauté et le maquillage. Et donc, du coup, j'ai été prise chez NYX. C'était le rêve de toute ma life. Parce que pour la petite anecdote, NYX, ça fait hyper longtemps qu'on attend une boutique à Nantes, enfin, en tout cas, que toutes les beauty addicts attendent. Et du coup, alors, beauty addicts, voilà, les, celles qui sont vraiment ont une addiction à la beauté. Beauté addict, hein. En fait. Donc, en fait, toutes les beauty addicts, ou même pas beauty addicts, hein, mais toutes celles qui sont sur les réseaux et qui suivaient un petit peu donc, le maquillage professionnel NYX qu'on trouvait avant qu'aux États-Unis, attendaient beaucoup l'ouverture du magasin à Nantes. Et donc, pour la petite anecdote, donc, le magasin était censé ouvrir donc, en septembre 2018. Et du coup, donc, voilà, moi, j'avais vu qu'effectivement, un magasin allait ouvrir 6 mois avant. Donc, il disait postuler sur le net. Donc, je postule une fois. Gros vent, grosse porte. Je postule une deuxième fois. Je me disais, bon, qui ne tente rien à rien. Peut-être qu'au harcèlement, ça marchera. Donc, du coup, je repostule une deuxième fois en changeant quelques mots. Deuxième nom. Je repostule une troisième fois. Parce que c'était un autre contrat qu'ils proposaient. Je crois qu'il y avait un contrat 35, un contrat 25, un contrat 15. Je crois que j'ai postulé à tous au moins 2 fois, je pense. Je n'ai jamais été acceptée sur Internet. Ok, bon, pas de souci. Et par grand bonheur, je vois en novembre qu'ils cherchaient une petite conseillère dans le magasin. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais directement aller. Et puis tant pis, bah, si je me refais encore recal, bah, c'est que j'aurais raté ma life. Et donc, non, en fait, je me suis présentée au magasin. Et en fait, elle m'a pris la responsabilité. Andrea, si tu passes par là, coucou. Elle m'a prise en entretien et puis du coup, Signé. J'ai signé, j'ai dit oui, elle m'a dit oui. Ça, c'était formidable. Et là, c'était le début du voyage. Du coup, le magasin a ouvert il n'y a pas longtemps. Alors. Oui, il a ouvert en fait en septembre 2018. Et, d'accord. Et c'est marrant parce qu'en fait, même là, on a beaucoup de passages tous les jours et il y a plein de clientes qui nous disent... vous êtes là, je ne savais pas du tout que vous avez ouvert un magasin à Nantes, oui. C'est incroyable, alors que ça fait quand même déjà peut-être un peu plus de 6 mois là, que ça a ouvert, mm-hmm. Et que c'est quand même dans une rue très très passagère, enfin la rue du Calvaire, ouais. C'est là où il y a quand même tous les magasins, il y a Monoprix, juste en face, il y a Zara, H&M, enfin bref. Ah ça, quand il y a du monde. Il y a Crazy Republic, enfin bref, voilà, il y a beaucoup beaucoup de passages, et c'est vrai qu'encore tous les jours, là, il y a plein de clientes qui nous disent, c'est incroyable que vous ayez ouvert, on savait qu'il y avait un corner qui avait ouvert à Monoprix, mais vous, voilà. Donc oui, ça a ouvert il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais, mais comme quoi, ça manque de pub. Mais comme quoi, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication. Ouais, c'est ça. C'est vrai, il devrait faire des photos. C'est ça. Appeler Yann Gérard. Donc bah voilà, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour ce genre de marque parce que c'est quand même le groupe L'Oréal, c'est très très connu quand même, en tout cas sur les réseaux. Mais c'est vrai que du coup c'est quand même une marque de réseau et il y a pas de communication, il y a pas de pub comme je sais pas les grandes marques Dior, Chanel, etc. Il y a pas de d'affiches, il y a pas de pub à la télé, il y a pas de pub sur YouTube. Enfin bref, tout passe par les réseaux. Donc c'est vrai que s'il y a pas de communication sur les réseaux, personne peut savoir qu'on a ouvert, je pense. Le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille, ouais, effectivement. Mmh. Mais après ça c'est les beauty addicts hein, qui se le font entre elles. Les influenceuses aussi. Les influenceuses. C'était pour placer un terme. Hashtag. T'as eu un moment de lucidité en fait. T'as eu une petite lumière. Et du coup, dans le maquillage, tu travailles à Nyx. Voilà, je suis en temps partiel à Nyx. Donc pour l'instant, c'est ce que je cherchais en fait exactement. Et aussi, t'as d'autres ambitions dans le maquillage ? Oui, alors du coup, à côté, je voulais vraiment me laisser le temps pour développer mon projet professionnel. Mmh. Donc, c'est vraiment me mettre à mon compte pour faire du conseil, joindre tout ce que j'ai déjà fait avant à ce que je vais faire, à ce que je fais maintenant et ce que je vais faire dans le futur. Donc, c'est-à-dire joindre tout ce qui est beauté, mode, maquillage, pourquoi pas soin, conseil etc. Morpho. Mise, voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu... C'est pas être personal shopper, c'est vraiment être relookeuse, mais pas relookeuse que pour les fringues. On connaît beaucoup ça. Pas relookeuse que pour la mise en beauté, mais c'est vraiment englober le tout, c'est-à-dire de la mise en beauté jusqu'à les chaussettes et les chaussures. Donc voilà, ça passe par les cheveux, ça passe par toute une étude du visage pour quoi porter quand on a un visage rond, un visage carré ou que sais-je. Oui. Quoi porter quand on a des hanches un petit peu plus marquées que ses épaules. Enfin voilà, c'est vraiment de la fringue à la mise en beauté et c'est vraiment ça que je veux développer dans le futur pour les particuliers ou les professionnels. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ton ambition, c'est de prendre le contrôle total de la vie de quelqu'un. Exactement. De lui dire, tu vas porter ça, tu vas t'habiller comme voilà, ça. Donc toi, je vais te prendre et je vais te dire, alors il va falloir que tu changes, si, ça c'est bien. Tu changes tout, ma chérie, mais... ça va pas du tout. Là, ça va pas. Tu es en H. Non, là, t'es un petit peu en pyramide, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est fait. Putain, je suis une pyramide. Non, je rigole. Ouais, mais elle pense tellement fort que... Tu as la morphologie parfaite. On a tous notre morphologie parfaite. Après, il faut juste porter ce qui nous va et voilà. C'était ça, la phrase philosophique du soir. À chaque bonsoir. Bah, super. C'est pas grave. On a tout dit. On va passer au sujet du jour. Donc, on en a deux. Ah. Est-ce que là, il y a un jingle ? Il faudrait qu'on se fasse, en fait, un petit opening ou un jingle. Avec une flûte. Ouais. Avec une sale flûte, là. Une sale flûte qui sait vraiment pas faire les notes. Bah, on peut faire... Allez, séquence d'après. Et on fait un clap injustifié. C'est fait. C'est allé vite. Donc, on se retrouve après la pub. Massif, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. On pourrait caler des pubs de speedwatching pendant l'émission, ce serait énorme. Ce serait drôle. Ouais. Est-ce que vous en avez vu une ? C'est ça. Du coup, pour le premier sujet, j'ai parlé d'une anecdote. C'est un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, en fait. En gros, je suis réceptionnaire et je décharge des camions pour remplir mon stock, pour que ça puisse servir à l'usine, blablabla. À l'usine, blablabla. C'est une grande marque. C'est ça, t'as même ça sur les voitures. Blablabla. Blablacar. Blablacar. Oui. C'est quoi ça? Interruption chiante. Ah, tiens, c'est le vieux qui t'apprend quelque chose. Blablacar. Blablacar. L'éco-voiturage. Exact. D'accord, oui, non, j'avais pas compris. L'éco-voiturage et pas les convoites. Waouh. Wow. OK. Non, yes. Non, non, allez. Mais... Tu finis ton anecdote s'il te plaît. Du coup, il m'arrive aussi d'envoyer des palettes chez des clients parce qu'en fait on fabrique des produits et ces produits vont chez les clients. Et donc en fait tous les jours, on a un planning de il y a un camion qui vient pour prendre telle palette, tel nombre de palettes pour tel client, etc. Et donc là il y a un type qui se pointe à ma porte. Non, attends, il est mort de rire, le gars. C'est génial. Non, parce que ça fait 5 heures qu'il me la tease, son anecdote. Et que ça fait 5 heures que j'imagine tout ce qui peut se passer à son boulot. Et là, je me régale. Mais j'attends non. Juste la chute. Putain, tu vas tellement être déçu, mec. Donc, le gars se pointe et il ne parle pas du tout français en fait. Il parle. Sur ses papiers, c'était écrit russe ou polonais. Je sais pas. Je sais pas reconnaître les deux langues. Donc. Il me dit des trucs, je comprends rien du tout, mais vraiment rien. Et en fait, il venait de l'accueil, donc c'est probablement la nana de l'accueil qui me l'a envoyé parce que j'habitais rien. Voilà. Et moi, c'était pareil, mais vraiment. Et il avait cette lueur dans les yeux, tu vois. Il essayait de me dire un truc, mais moi, je comprenais pas. Et je lui ai dit speak English, et il me fait non, mais il parlait même pas anglais, même pas français, pas anglais. Donc du coup, j'étais face à ce gars. Et on était là tous les deux, puis on se comprenait pas en fait. Et du coup, il me montre ses papiers, puis je un grand moment de solitude. Je comprends rien à ce qui est écrit, mais je vois des chiffres, je vois 19 et tout. Donc je dis ok, je vais voir mes papiers à moi, puis je vois ok aujourd'hui 19 palettes, etc. Et du coup, j'ai enfin su que je devais en fait lui donner des palettes pour un client. Enfin bref, donc je l'ai mis à quai, etc. Et on a fait notre taf et il est reparti. Mais enfin, en fait, pour moi, c'était la première fois que je tombais face à une personne que je ne pouvais pas comprendre et que je ne pouvais pas lui faire comprendre des trucs non plus. Vraiment, c'est en plus, c'est du travail de logistique, donc c'est des termes compliqués, se mettre à quai, etc. En anglais, j'aurais même pas su les dire, mais alors en polonais, en russe, même. Et, c'est fou du coup, quand même qu'il puisse y avoir encore une fracture comme ça, alors qu'il y a plein de moyens maintenant de communiquer. Ouais, bien sûr. Mais après, peut-être que j'aurais pu prendre de Google Traduction sur mon portable et puis j'y ai même pas pensé sur le coup. En fait, j'étais tellement là, je le voyais, je lui dis, mais merde, il me dit des trucs et je ne sais pas répondre, je ne sais pas lui dire que je comprends pas. À mon avis, il doit le voir que je comprends pas. Et... Oui, parce qu'il te comprend pas non plus. Lui. Non. Et le pire, c'est que, en fait, donc ça a duré presque une heure et demie. Ouais. C'est un dialogue de sourds en fait. Et du coup, voilà, c'est du coup, à la fin, quand je lui ai filé ses palettes et que c'était terminé et qu'on était en train de faire les papiers, on était tous les deux soulagés et il essayait de me parler. Il me disait oui, fabriquer. Enfin, j'ai compris un mot transparent, comme on dit, fabriquer, je sais pas quoi. Et il essayait de me parler et bon, moi, je pouvais pas répondre parce que je comprenais rien du tout et je lui répondais en français, donc il comprenait rien non plus. Mais il y avait quand même ça a quand même créé quelque chose, tu vois. Il essayait de me parler, même si on se comprenait pas, il essayait de me dire des trucs, etc. Et du coup je m'étais dit, est-ce que vous avez des astuces, qu'est-ce que vous feriez en fait dans cette situation où vous devez faire quelque chose avec quelqu'un mais vous pouvez pas vous comprendre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé une fois, c'est très rapide. Vas-y. Je suis une tanche en espagnol. Voilà. Balancez-moi la pierre, rien à foutre. Tu as fait de l'espagnol, Yonja. On a déjà parlé dans cette émission. LV3, 3 de moyenne. C'était plié. J'étais à côté de chez mes parents, à Saint-Marc du Désert. Je faisais la route de mon autobus. Autobus, allez, j'ai 50 ans. De mon car lila jusqu'à chez mes parents, jusqu'à chez WAM. Et là, il y a un gros camion. Tu vois, c'est exactement le même contexte qui arrive. Et pareil, il descend avec des papiers et il me demande c'est où. Je comprends qu'il veut savoir où c'est, mais je sais pas quoi. Et il me dit la Florentaise, c'est une entreprise qui fait de la tourbe, tout ça. Et on arrive à se comprendre au bout d'un moment, je sais pas comment. Et là où je me sens mal, c'est que du coup, je lui ai mal indiqué la route et que je suis certain que le gars, je l'ai encore plus le perdu. Ça, c'est pas sympa. Mais c'est pas sympa, mais j'ai mis toute la bonne volonté. Je me suis dit, putain, c'est par là, je l'ai vu le bâtiment. Et en fait, c'était derrière. Bah, si, non, c'était bien par là, mais à vol d'oiseau, vraiment pas pour un camion. Et il fallait faire tout le tour et ça se trouve, il cherche encore. Putain, non, mais ça m'est arrivé à, quand je travaillais à Chrono Drive, en fait. J'étais en train de fumer ma clope dehors en pause. Et il y a une petite vieille qui vient et qui me dit oui, excusez-moi, on est route de Rennes ici. Donc je lui dis oui, parce que c'est 215 route de Rennes, Chrono Drive. Et elle me dit, il y a un garage, mais il est au 200, je sais plus, 230, bref. Est-ce que vous savez où c'est ? Et moi, je voyais pas le garage où c'était dans ma tête. Mais je me suis dit, bah, 215, le premier, c'est là-bas. Donc le 230, ça doit être par là-bas. Donc je lui ai dit, bah, si, madame, c'est par là-bas, en fait. Vous remontez par là-bas. Et elle me fait, ah oui, merci, merci. Et puis elle va par là-bas. Puis bref, je vais bosser, je retourne bosser, etc. Puis en débauchant, je me dis, bah, enfin, je suis curieux quand même. Je vais voir son garage et c'était mais hyper loin de l'autre côté en fait. Et la meuf, je l'ai fait marcher vers vers Rennes là-bas, là. C'est horrible. Le périph. Je l'ai fait marcher vers périph et c'était pas du tout là. Et je me sentais trop mal, trop mal. Je m'en suis voulu putain, mais j'en ai pas dormi. C'est... Oh là là. Aujourd'hui ça me fait rire, mais c'est n'importe quoi. Peut-être qu'elle tromperait sur la vidéo et elle se dira oh, putain. Une espèce de petit signaler la vidéo, c'est rebloqué. Je suis désolé vraiment. Voilà. Moi j'aurais bien dit ça, mais je parle pas espagnol toujours pas. Donc je peux pas. Mais c'est vrai que ça devient drôle après, parce que je me suis senti super mal aussi après, mais ça va, on arrive en rire. Ouais, mais le pire, c'est quand ça t'arrive à toi. Eh ben, on m'a jamais fait ce coup-là. Moi, non, ça m'est arrivé. Yes, l'autre côté. Allez, raconte. L'autre côté, c'est... En fait, avant de faire mon métier, j'ai fait 7 ans de saison. Donc, en tant qu'animateur, barman, serveur, j'ai fait pas mal de trucs. En tant que beau gosse de service, en fait. Bah ouais, là... Ah bah, je me suis éclaté, hein. Ok, on s'arrêtera là. Et en fait, ouais, en fait, je faisais une saison en Grèce. Le pays. Oui, la Grèce. Yes. La Grèce. En Grèce, quoi. Chacun comprend ce qu'il veut, laisse-moi suivre son histoire. Et en fait, on était parti donc avec l'équipe d'animation. On était parti. On s'était dit, tiens, on va partir. C'était notre jour de repos. On va aller à la plage. Mais on connaît rien, tout est écrit en grec et tout. Va poser la question, ouais, où est-ce qu'on est ? Et on parlait, on arrivait près d'un petit village, et puis on rentre dans le petit village, et puis on s'est dit, bah arrête-toi, il y a un petit papy, là, on va lui poser la question et tout. On commence à lui parler, bah lui il comprenait rien, on parlait en français, en anglais, en espagnol, voilà, un peu dans toutes les langues, mais on n'y arrivait même pas, et lui il comprenait que dalle à ce qu'on lui disait. Et à un moment il nous dit... Allez tout droit, on a compris, allez tout droit. On va tout droit, bah, finalement on se retrouve dans la montagne, on se dit non ça c'est pas la plage, c'est pas possible. On fait demi-tour, on retourne le voir et on lui dit on cherche la plage. Bah, je comprends pas, donc on était tous avec nos serviettes de bain et tout, vraiment en train de lui montrer, voilà ça. Puis il dit ah. Et puis en fait il nous remonte à notre chemin, on y va, on arrive à la plage. Et à ce moment-là, il y avait un barman d'un autre hôtel club. Et on lui dit, oui, on avait du mal à trouver et tout. Et comment t'as fait, toi, pour trouver ? Bah, j'étais voir là un petit papy. On lui dit, mais celui qui était au-dessus ? Ouais, ouais. Mais en fait, il parle très bien anglais et tout. Mais en fait, il s'est foutu de vos gueules. Ah, oh, l'enculé. Oh, putain, yes. Oh, yes. Meilleur papy. J'avoue. Mais le papy devait avoir... Allez, papy sûrement... pute. Exactement. Exactement. Et après, on s'est dit, ok, toi, on t'a noté. Et en fait, il a dit, parce que le mec, ça faisait sa 5e saison qu'il faisait dans l'hôtel club où il était. Il en avait marre, quoi, en fait, qu'on lui demande. Non, c'est qu'il aime faire ça. Il kiffe, c'est son kiff. Et je comprends complètement. Ouais, et en fait, c'est ça, marrant, c'est il dit à toi, ton petit jeune, toi, je vais te faire chier, mais quelque chose de bien. Et en fait, heureusement qu'on a fait demi-tour, on aurait été retourné le voir. Parce qu'autrement, on aurait pu continuer, on serait allé ailleurs. J'avoue. Mais là, on s'est dit, quel connard. Oh là là, quel connard. C'est bien stylé. Ah, c'est trop stylé, faudrait tous faire ça maintenant. Moi, j'ai hâte de devenir vieux, j'irai dans un bain. Moi aussi. Ouais, comme les petits vieux à mettre le petit banc dehors et tout, à regarder. Ah, mais c'est exactement ça. Tu ferais bien l'enculé, toi. Ah, ouais, ça va, oui. Je ferai des photos de. Le gros gris, tu sais. C'est ça. Moi, je me vois bien vraiment gros et gris. Ouais, c'est là-bas, là. Je sais pas si. Non, je les aurais laissé marcher un peu. Puis après, tu cries, tu fais non, je déconne. Puis ça l'a opposé. Puis ils sont trop importants de toute façon, et puis tant pis. Ouais. Oh, mais ouais, donc c'est marrant. M'a dit toi, t'as une anecdote ou pas sur. Sur les problèmes de compréhension et de langage. Ouais, une minuscule, mais bon, c'est peut-être pas très très drôle. Enfin, si, c'est un peu drôle. Mais du coup, si c'est de la merde dans la coupe au montage. Ça va être de l'autodérision. Ah, bah, l'autodérision. Non, c'est de l'autodérision. Quand je travaillais chez Crédit République, on avait pas mal de cartes de Chinois qui venaient. En plus c'est pas une blague parce c'est que même tout, non, mais c'est pas une blague, toutes les copines qui voyaient tous les Chinois arriver me disaient il y a vraiment un quart de Chinois, parfois il y avait des dizaines de Chinois qui venaient comme ça, mais donc voilà, en masse. Et du coup parmi eux il y avait des fois où évidemment donc par le visage ils venaient me voir et du coup alors je pense que vous devez vous douter de la suite, mais en tout cas ces Chinois là en question ne parlaient pas anglais, du coup ils commencent à me parler commencent à me parler chinois dans leur langue, ou peut-être japonais, j'en sais rien, laotien ou que sais-je, et du coup mais comme si moi j'étais obligée, enfin que c'est, ça allait de soi que je les comprenais en fait, mais je ne comprenais absolument pas ce qu'ils me disaient. Je leur disais a gin, you want a gin, what do you want, bon, bref. Et non, ils continuaient à me parler dans leur langue. Et du coup, bah voilà, on s'est pas compris. Donc ils sont partis, je suis partie. Tout le monde était content. C'est pas grave. En fait, ils ont juste acheté le magasin. Ils se sont servis tout seuls et puis tant pis. C'est pas grave. Désolée, Véro SL, si vous passez par là, ou Crazy Republic, mais désolée, mais là, je vous ai fait rater des petites ventes parce que je parlais pas chinois ou japonais, j'en sais rien. Oh, c'est drôle. Voilà. Tu es de quelle origine? Je suis vietnamienne. Ok, comme moi. Pure souche. Ah oui, bah oui. Pas pure souche. T'es croisé, t'es moitié, brasier. Moitié, ouais. Ah oui, ouais. Ça c'est les meilleurs. Ah, attention, bon, on va vous laisser. Hein, non, mais... bah, j'étais heureux de venir. Mon 06 en commentaire. Amandine, je déconne. Je t'aime. Moi aussi, je déconne. Du coup, Maddy, tu nous as fait une super transition parce que t'as parlé du sujet qu'on va aborder, qui est l'autodérision, justement. Ah. Donc, bien joué. Voilà, c'était ça, même pas prévu. Ouais, ça. Ouais, ok. Et elle est en plein dedans. Elle continue, c'est parfait. Bah voilà, bah justement, l'autodérision, c'est quelque chose de plutôt compliqué. Enfin, ça dépend des personnes, en fait. Je sais que Yohan et moi, on n'a aucun problème avec ça. On rigole de nous, même plus que n'importe qui. Comment vous le gérez en fait, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous faites tout le temps, ou est-ce que vous vous dites non parce que c'est me flageller moi-même, est-ce que en fait ah oui ah oui flageolet, donc ça va. Je suis une merde. Mais avec le sourire, c'est ça. Voilà, en fait c'est l'autodérision pour ou contre. Pourquoi contre ? Complètement pour. Pourquoi après, contre ? Je pense que ça dépend aussi de sa culture et de son éducation. Après, nous, enfin moi en tout cas dans ma famille, ça a toujours été zéro tabou, etc. Et surtout moi, dès ma petite enfance, j'ai toujours, par rapport à mes origines, on m'a toujours beaucoup, enfin c'est pas moqué, mais c'était toujours à... la chinoise est là, enfin où c'était, enfin qu'on me parlait genre en mode chinois dans la rue, enfin que des trucs comme ça, ou genre le gros nem est là, ou enfin ou des trucs comme ça quoi. Le salut, gros nem. Ou salut le rouleau de printemps. Wow. Bon ok, bon ça va deux minutes, mais depuis le temps que j'en entends, depuis la maternelle, bon je me dis que au final, de toute manière. Enfin, que les gens disent ça ou quoi, ça te passe dessus. Voilà, ça me passe complètement au-dessus. Maintenant, je suis tellement habituée que, au contraire, maintenant, j'en joue et j'en rigole beaucoup. Enfin, quand on se moque un petit peu de moi par rapport à mes origines, mais j'en joue beaucoup et ça me fait vraiment rigoler. Et du coup, les gens en face, ils sont bien cons. Mais même ça me fait beaucoup rire de rire par rapport à. Enfin, faut pas se prendre au sérieux dans la vie, quoi. Enfin, ça me fait rire de critiquer les Chinois, les Vietnamiens, les Asiatiques, enfin bref, oui je vois en 16-9e, bon voilà, qu'est-ce que t'as quoi. non ça me fait beaucoup rigoler, et puis voilà, je trouve que c'est une force justement d'être différent et que les gens se moquent entre guillemets et qu'ils prennent du temps pour se Voilà, pour ceux et tout. Oui. Voilà, je trouve que, au contraire, moi, ça me met sur un piédestal et je me dis, bon, moi, s'ils me traitent de nem, bah écoute, c'est que je suis différente et que c'est cool, quoi, de la différence. Voilà, moi, maintenant, j'ai passé complètement le stade du je me suis fait traiter encore de Shintok. Bon, bah, je suis au bout de ma vie. Ce soir, je me couche à 20h et je mets un film et des pop-corns. Non, je suis plus du tout rendue à là. On commençait un petit peu à s'y faire au bout d'un moment, je pense. Alors, moi, ce que je trouve du coup un peu dommage, effectivement, c'est que là, maintenant, effectivement, il y a un stade qu'on a atteint l'autodérision, effectivement. Mais la façon dont tu le racontes, tu as quand même subi quelque chose avant. Mais c'est quand on est petit, en fait. C'est vrai que les petits sont hyper, hyper violents, je trouve, entre eux. Enfin, encore plus. Mais c'est pire maintenant. Ouais, je dirais au collège ou même avant le collège, quand tu es en CE2 jusqu'au CM2. Et dès la maternelle. Après, hein. Dès la maternelle jusqu'au collège, je trouve que les enfants, ils sont super durs entre eux. C'est des termes très, très violents et très, très durs. Et en fait, quand tu es petit, bah, en fait, tu vis avec ça et tu avances avec ça. Et en fait... c'est très dur de faire la part des choses en fait, quand tu vis là-dedans tous les jours et surtout quand t'en parles pas aux adultes, etc., parce que tu peux avoir honte, tu peux dire purée, si je me fais traiter de ça et tout, j'ai pas envie de le dire à ma mère parce que, c'est très honteux en fait. Et du coup, je le vivais très mal quand j'étais, je le vivais pas très bien quand j'étais petite parce que, en fait, j'avais pas de moyens de comparaison. Je me dis pourquoi moi, pourquoi on me dit ça, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a toutes les nationalités. Pourquoi c'est moi qu'on vient embêter, quand t'es petit, tu peux pas trop te défendre en te disant je suis normale et tout est normal. C'est juste de la blague et de la blague un peu méchante, mais bon. Ouais, mais très souvent, c'est que tu rentres pas dans une case, en fait. Voilà, tu corresponds pas aux autres. Hein. Oui, tu corresponds pas aux autres. Moi, je sais que donc, dès que tu es différent, donc en fait, ça va pas. Exactement, c'est comme un artiste. Un artiste ne va pas prendre le chemin de tout le monde à faire des études, des longues études ou quoi. L'artiste va faire une autre route. Bah, on le comprend pas. Exactement. Alors, sur la discrimination, on va appeler ça comme ça. Hein. Moi, je suis pas black ou quoi que ce soit. Je suis un sale blanc, normal. Mais moi, ce que j'avais au collège, c'est que j'avais les cheveux longs. Et rien que ça, effectivement, j'en ai pris plein la gueule. Ah bah même ça. Le surpoids ou les choses comme ça peut être... Oui, mais c'est une connerie. Effectivement, c'est une différence qu'on va considérer comme pas normale et on se le prend. Mais de toute façon, on est tous, on va dire, sensibles à différents levels. Hein. Mais je crois qu'on l'a tous vécu en étant gamin. Mm-hmm. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire. Je vois, moi, j'ai ma fille. Moi, j'ai une fille de 5 ans. Putain, t'as une fille. Oh là là. C'est ça le pire. Mais non, moi, je vois ma fille. C'est dans sa classe. Elle est en grande section. Mais je me dis, c'est une boucherie. C'est des barbares. Les gamins, c'est des barbares. Moi, je l'ai vécu au collège, en premier lieu. Mais je ne l'ai pas eu en primaire et encore moins. Moi, je l'ai eu. Moi, j'ai eu le cas. Moi, c'était plus vraiment, on va dire, primaire jusqu'au début collège. Et après, ça a complètement changé. Et je sais que j'ai complètement changé de personnalité, on va dire, dès que j'ai commencé à faire des saisons. Oui. Parce que là, c'est tu rencontres du monde. Ouais, tu changes l'environnement, évidemment. Ouais, que dans une classe, t'es 30 personnes. Moi, quand j'étais en hôtel club, on était entre 500 à 1500 personnes. Donc, ça fait du monde. Donc, dès que tu fais du spectacle, tu es devant tout le monde. Donc, et c'est là que tu te libères. Et c'est là que tu commences à réagir au niveau des gens. Et maintenant, tu te dis, soit tu y vas avec des pincettes avec les clients, ou soit tu vas franco et tu rentres dans l'art. Mmh. Mais après, tu commences à prendre de l'humour et c'est là que tu commences à déconner, à raconter des conneries. Puis après, dans la vie active, c'est plus pareil. On vit pour soi, puis on vit plus pour les autres. C'est ça. Se mettre dans un groupe et c'est plus pareil, en fait, je pense. Non, et puis maintenant, c'est si tu as envie de déconner dans la dérision, comme on était en train de dire, par rapport à ta question, c'est vrai que maintenant... si t'as envie de rigoler sur ta personne, tu t'en fous. Exactement. Parce que tu sais comment t'es. Alors, il y a aussi effectivement dans un contexte, on va dire, par exemple, imaginons on se rencontre tous, je vais pas vanner Elliot sur ses origines tant qu'il ne l'aura pas fait lui. Oui, il voilà. Ce respect-là. C'est ça. Exactement. S'il le chope lui à l'autodérision et qu'il met le premier pas, eh ben je vais y aller effectivement avec parcimonie au début parce qu'il y a quand un peu de respect à avoir, je pense. Et tu sais pas comment il va le prendre, soit au premier degré ou soit ils s'en foutent complètement. Et puis on ouvre la porte et puis après c'est pas aussi. C'est exactement ça. Après, quand on se prend quelque chose dans la gueule, on l'exprime pas forcément aussi directement. On peut aussi l'encaisser. Ouais. Encaisser. Ouais. Et puis quand ça sort. Mais si déjà il y a attendre ce que la personne blague de ça sur elle. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas, moi je le fais sur mon gros pif, et c'est cool. Vas-y, moque-toi là. Allez, c'est parti. Allez, là, je suis. Alors, la liste était longue. En fait, je voulais dire quelque chose sur ton nez, c'est que. J'ai fait 50 points sur ton nez. Non mais effectivement, il y a ce truc-là. Bon, ok, cette personne a vanné sur ce point sur elle. Je vais me permettre de faire une petite vanne et puis. Oui, parce que la personne elle se libère, donc ça veut dire que tu peux en parler dans l'autodérision. C'est plus un tabou, quoi. C'est ça. Que si c'était quelqu'un qui venait à te dire, ouais, t'as un gros tarin. Là, tu vas dire. C'est quoi un gros tarin ? Tu vas te calmer. Hein. Bah, un nez. Quoi, tu parles encore de mon nez là ? Après, moi j'ai tendance à m'en foutre un peu. Si quelqu'un que je connais pas va vanner sur un truc, moi dans ma tête, il va y avoir un calcul. Enfin, un calcul, c'est vite dit. Mais en gros, c'est ok, il vient de me vanner, ça veut dire que je peux le vanner aussi. Et ouais, du coup, oui, c'est vrai, ouais. Il y a cette répartie qui va arriver. Ouais, mais des fois, l'autre n'apprécie pas. Si jamais il n'apprécie pas, c'est que là, il y a eu un problème. C'est ça. Voilà. C'est que cette personne dégage. Se permet de faire quelque chose que toi. C'est une limite. Après, on ne sait pas aussi sur quoi on blague sur les gens. C'est pour ça que c'est bien d'attendre. Oui. Ça, tu vas peut-être faire une vanne c'est et ça se trouve, en fait, il a perdu sa maman hier. Oui, c'est vrai. Il y a toujours des sujets comme ça où après il y a le coup de pas de chance où tu fais une blague et tu tombes pile poil où il fallait pas. Tu mets les pieds dedans. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette délicatesse. Mais c'est pas fait exprès, mais c'est juste ils sont pas fins. Ouais, mais même, tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que là, quand par rapport à ce qu'on est en train de parler, moi je vois quand j'étais en tant que serveur. Serveur internet ? Non, serveur juste en restauration, c'est tout. J'avais pas le haut débit, bien sûr. Yes ! Blague validée. Ah, par contre, le haut débit, là, il l'avait. C'est... Oh yes ! Mais donc en fait, moi j'étais en saison en train de servir des clients et il y en a qui étaient. Il y avait un client qui m'a dit : vous savez, le client est roi. Je dis oui, très bien, mais je lui dis, mais à force de faire des saisons, ça m'a permis de me forger un caractère. Je dis oui, vous avez raison, le roi, mais vous savez, le roi a été décapité. Et là, le mec, il s'est retrouvé un peu comme un con, et donc il commence à s'énerver. Ah, c'est énorme. Et en fait, au fur et à mesure, il y avait tous les clients qui étaient à côté, avec qui je m'entendais très bien, mais en fait, ils se sont pris au mec. Et là, j'étais plus tout seul. On était presque une vingtaine à se prendre sur lui. L'enchage et lui, public. Le mec, il s'est tué. Et il disait plus rien et nous et les gens ils ont dit ouais mais t'es un super animateur et tout. Oui mais moi je m'en fous, le mec il a envie de dire des conneries, je m'en fous. Oui mais ça dépend aussi énormément du contexte, s'il y avait une tension entre vous, s'il y a quelque chose qui s'était mal passé. Pas du tout, non, c'est que lui il était peut-être directement dans un conflit effectivement et mais après c'est aussi au niveau des saisons parce que tu vois après les mentalités entre comme on dit les juilletistes et les haussiens. En fait, il y a les mois de juillet et les mois d'août. Non, mais on avait. Hein. Voilà, non, mais c'est pourquoi expliquer un peu. Mais. J'ai pas trop compris. Ouais. Est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît ou... Juilletistes, c'est ceux qui sont en vacances en juillet. En juillet. Bah oui. Et les haussiens, c'est les août. Bah oui, bah d'accord. Voilà. Tout le monde avait compris. Ah, d'accord. Oui, je voyais pas trop ce qu'il y avait de drôle. Mais... Non, c'est qu'en fait, c'est la mentalité. Les juilletistes sont très calmes, voilà, c'est les familles. Hein. Et les haussiens, c'est vraiment ceux qui font la fête et tout. Ah, il y a vraiment une différence. Ah oui, bah de toute façon, au mois d'août, ce sont les ouvriers. J'adore les généralisations. J'apprends un truc. Mais tu verras, c'est tout au mois d'août, ce sont tout le temps les ouvriers qui prennent ces vacances-là à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, tout ce qui est dans le bâtiment et autres, qui ferment. Donc c'est là qu'ils prennent leurs vacances. Et eux, c'est la fête. Et une fois, Et là, ça a été le cas. Le mec, il s'est levé du pied gauche le matin ou je sais pas. Et le soir, il s'est dit, tiens, je vais me lâcher, je vais me prendre à quelqu'un. Et ça n'a pas marché. Et en Grèce, c'est la feta. C'est ça. Oh putain. Là, je crois qu'on tient le bambou là. Ouais, c'est bambou là. J'adore les noirs donc. C'est de l'antiracisme. Et j'adore les noirs, c'est tout. Je les trouve très drôles. C'est vrai que moi je les trouve super beaux. En photo, j'adore photographier. J'en ai qu'un seul dans mes contacts, un modèle noir. Ouais. J'adore. Mais non, mais moi je dis, je pourrais pas sortir avec un noir, mais je trouve ça très. Bon. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas mon style. Mais non, c'est une question de goût personnel. On sait pas de qui on tombe amoureux. Non, bien sûr. Enfin, Madeleine Guéguin. Mais je trouve vraiment très. Enfin, j'adore les noirs, quoi, c'est tout. Je trouve qu'ils sont. Mais ça se trouve, j'adore. Tu tomberas amoureux d'un noir. Oh là là. Oh là là. Mais ça se trouve, je tomberai amoureux d'un homme, on n'en sait pour rien. Pour l'instant, je suis avec un roux, donc je sais pas quel. Oh là. Ah, t'as de l'autodérision, toi. Je pense que bon, il appréciera beaucoup la blague. Si tu passes par là, le roux, c'est tout ce qu'on sait. J'appelle gros roux. Gros roux, allez. Parce qu'il n'est ni gros ni gros. roux, donc c'est pour ça que ça l'énerve encore plus. Du coup, je n'ai plus du tout compris le sens. Alors, gros roux, mais il n'est pas gros ni roux, d'accord. Non, il est un petit peu roux sur la barbe. C'est pas grave. Barberousse. Faut pas le... Ah oui, oh. À un moment, je l'appelais Barberousse, c'est d'accord. Vrai. Et ça l'énervait beaucoup. Du coup, c'était quoi le sujet L'autodérision. C'était l'autodérision. Trop chaud, donc en tout cas, l'autodérision, à partir du moment où on a basculé le problème de la discrimination, on va appeler ça comme ça, on le prend à l'humour et on l'accepte parce qu'on en rigole, quoi. Oui. Ouais. Mais je comprends, hein, c'est cool, c'est tant mieux, c'est la meilleure des solutions à mon avis, mais c'est toujours le truc qui m'énerve, c'est qu'il y a les discriminations au début. Moi, c'est... Bah, en fait, c'est le facteur qui fait que tu vas changer ta personnalité. Et aujourd'hui, j'ai même pas eu de courrier chez moi, tu vois. Enfin... Oh la merde. Cette vanne, mais tant être compris, c'est génial. Mais voilà, c'est quelque chose que je supporte pas et j'arrive pas à le comprendre. De pas avoir de courrier, ça me saoule. De pas avoir de courrier, les gens m'écrivent pas. Putain, mon coûte trop cher. Tu sais que mon frère travaille à la poste quand même. Eh ben je le je salue. Voilà. Ouais. Et moi aussi, j'en avais pris plein la gueule, comme toi, exactement. Mais moi, c'est surtout parce qu'au collège, tout le monde regardait South Park. Et South Park, c'est ça dénonce, mais en même temps, c'est très violent. Ah, bah, c'est direct, hein. Ouais. C'est très, très direct. J'adore, hein, mais c'est vrai que pour des gamins. Parce que South Park, c'est beau d'être un dessin animé, c'est un dessin animé pour les adultes, hein, oui. Finalement. Oui. Franchement. Ça dénonce beaucoup, c'est vraiment très, très bien, c'est très, très bien écrit. C'est très bien fait, ouais. Mais c'est vrai qu'un gamin qui tombe là-dessus, c'est vrai que. Voilà, c'est trash, quoi. Ah, ouais. Ouais, et puis les trois quarts du temps ils comprennent pas. Bah non, c'est ça. Non. Après, il va trop sortir ça et puis voilà ce qu'ils entendent. C'est le problème. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que ça vient un peu aussi de l'éducation, du climat familial? Mais il y a l'éducation. Oui, bien sûr. Ouais, mais moi je sais que je me souviens pas m'être moqué de quelqu'un qui était différent. Bah parce que j'étais celui qui prenait. Direct. À tous les niveaux, il y a eu le truc de. Enfin, moi du coup j'avais le collège avec les cheveux longs. Puis après, j'ai eu l'idée de me faire les cheveux rouges à la fac. Du coup, directement, j'étais gay. Et puis au collège, j'étais une fille directement. Tu vois, vraiment, ils avaient vraiment un concept. Oui, c'est très réducteur. L'être humain, hein, c'est AB là. L'être humain était bien compris pour eux. Hein. Ouais. Mais je comprends pas. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui fait dans leur éducation. On leur a pas mis en face la différence. J'ai entendu, par exemple, des parents se plaindre de la variété des émissions, enfin, de la variété de gens qu'on peut voir dans les émissions. Et qui n'aimait pas qu'on voit dans une émission tout ce qui est LGBT, etc. Et parce que, ça va trop loin, c'est pas la peine de montrer autant, qu'est-ce qu'ils vont leur bâcher, leur foutre ça dans le cerveau, on s'en fout. Et en même temps, non, on s'en fout pas, parce que du coup, ça en fait une différence de ne pas en parler. Et du coup, à mon avis, c'est des gens qui vont moins être faciles avec quelqu'un de différent, alors que si on expose toutes les différences de base... Bien sûr. Oui. Complètement. Moi, mes parents m'ont jamais dit regarde, ces deux hommes, ils se tiennent la main, c'est dégueulasse. Exactement. Et y a quand même quelque chose qui est très, très important. Et moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps avec un de nos copains, avec Elliot. C'est le droit à l'indifférence. Et c'est vrai que finalement, quand il y a quelque chose de différent, on a tendance à le souligner souvent, alors que ça pourrait juste être normal. Oui. Excusez-moi. Et je sais pas, on a tendance effectivement à le souligner, ça fait bizarre. Ouais, mais après, parce que je sais que je l'ai fait moi aussi. Mais souvent, c'est aussi dans les cultures. Quand tu vois dans les cultures au niveau même des îles, c'est tout de suite le blanc, c'est celui qui prenait les noirs en esclavage et tout. Et ça continue énormément. Et c'est ça qui est dommage. Mmh. Moi, je trouve ça vachement dommage qu'aujourd'hui, en 2019, il y a encore cette histoire de blanc, noir, jaune, vert, où on s'en fout. On est tous pareils, voilà. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. C'est ça le souci. Ouais. Ouais. Mais peut-être que ce n'est pas encore assez affiché. Il faut se dire ça. Ouais, mais quand on parle de la télé, quand tu regardes les émissions, même pour enfants, il y a tout de suite énormément de racisme là-dedans. Ouais. Ah, c'est vrai. Et quand tu regardes, et j'ai lu des statistiques par rapport à ça, c'est que le nombre de morts qu'il peut y avoir, ce ne sont pas dans les films, ce sont dans les dessins animés. Oui, j'avais vu ça, j'avais vu les calculs, c'était génial. Ouais. Regarde, Bambi, la mère est morte, et ainsi de suite. Si tu fais tous les dessins animés de Disney et autres, il y a tout le temps des morts. Il y a un scandale dans chaque Disney de viol, de discrimination. Ouais. C'est en fait, quand on est gamin, on regarde ça et on s'en rend pas compte. Bah, on le gobe sans le comprendre, ouais. C'est ça. Mais c'est hallucinant. Là, je vais revenir sur une découverte que j'ai faite qui fait avancer un peu les choses à mon sens. C'est que j'ai pris le métro à Paris, c'était génial. Et c'est un photographe que j'adore, Théo Gosselin, parce que, truc de ouf. Et il a fait une campagne de pub pour Coca-Cola, la nouvelle campagne de pub. Il y a diverses photos avec des gens qui partagent un Coca-Cola sur un banc. Et t'as une photo où c'est une grand-mère avec un homme habillé en femme. Un travesti complètement. Et j'ai trouvé ça cool que ça soit affiché en grand dans le métro, ouais, avec une grand-mère et un travesti. J'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis dit, yes, peut-être ça avance un peu quand même. Bah, cool, il commence à y avoir la liberté d'expression en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux maintenant. Avant, tu pouvais pas. Oui, mais tu peux, mais tu t'en prends dans la gueule quand même parce que oui, c'est encore différent. C'est pour ça, ça avance petit à petit. Avoir la force d'assumer. Ouais, quand je vois un travesti dans le tram, ça m'est arrivé une seule fois à Nantes, dans le croisé 1. Putain, je l'ai regardé avec respect, je me suis dit, ouais, putain mec, tout ce que tu dois te prendre dans la gueule, qu'est-ce que tous les regards que tu subis au minimum, ouais. Et à mon avis, il y a de la remarque et tout ça. Ouais, et que dans certains pays, et quand dans certains pays, t'as des garçons qui sont vraiment femmes, mais pour eux c'est normal, et tu te dis ouais c'est normal, mais dès que tu vas dans d'autres pays, bah, c'est complètement différent. Ouais. Regarde au Maroc, ils portent même des robes. Après, faut se dire que quand on regarde à l'échelle de l'humanité, on est vraiment pas longtemps après le Moyen-Âge. Enfin, on est en pleine évolution en fait. On le voit aujourd'hui, il y a du changement et ça va. Je suis sûr que dans 300 ans, ce sera encore mieux. Je l'espère. Je croise les doigts. Là, oui, vu la planète. Oui, la planète sera plus là dans 300 ans. C'est voir un peu loin là. Mais oui, aussi, il faut voir à une plus grande échelle. Bien sûr. Puis après, voilà, avec la médiatisation, les différences deviennent des forces au final. On veut tous être différents. Enfin, je trouve qu'en ce moment, c'est ce qu'on prône, c'est nos différences. Ouais. Et voilà, on ne veut pas ressembler à, surtout pas à notre voisin, je ne veux surtout pas le même t-shirt que lui. Il faut avoir des opinions différentes. Voilà, c'est ça. Ouais, mais des fois, ça met des personnes de côté. Mais bien sûr. Bien sûr, ça marche. Oui. Quand tu regardes dans les écoles. Case aussi, tu vois, la chose toute bête, dans les écoles, avant, c'était vraiment, tu avais le costume. Ouais. Traditionnel où les enfants ils avaient tous le même vêtement, c'était super. J'aurais adoré. Oui, moi ça, je demande à ce que ça se remette en. Voilà, c'est ça. Ouais. L'uniforme et tout. Bien que sûr. Là quand tu vois t'as des gamins avec des vêtements Nike ou des choses comme ça et t'en as d'autres qui peuvent. Les parents ne peuvent pas se permettre d'acheter un vêtement à ce prix-là, bah tout de suite les gamins. Moi j'étais en quechua moi. T'avais ramené ta tante. Oui. Et mon manteau quechua, mon petit sac quechua. Attends, je cherchais un moyen subtil de faire cette blague et l'autre elle balance ça. Et quelle tente, la tentacule. Oh là là. Qui a dit cette vanne? C'est toi. Oh, là, on tient le bon bout là. En tout cas, effectivement, on devrait cultiver ce droit à l'indifférence. C'est génial. Tout à fait. De se dire ça. J'aurais bien aimé au collège y réfléchir. Ouais, mais je sais pas si tu remarques, mais je pense que la roue tourne aussi. Enfin, moi, en tout cas, au collège, ça a été une des pires périodes de ma vie, je pense, le cauchemar complet. Et en fait, les personnes qui s'amusaient à me rendre la vie impossible, mais un vrai cauchemar où j'avais juste envie de mourir tous les soirs, comme par magie, maintenant réapparaissent dans ma vie en mode « Coucou, tu te souviens de moi ? C'est trop bien ce que tu fais, j'adore tes photos, j'adore tes vidéos, machin. Oui, je me souviens de toi. » Tant pis, bah voilà, et maintenant je suis contente d'en être arrivée là et... Et ça voilà, je m'emballe avec des autres, quoi. Enfin, non, mais je m'emballe avec des autres. C'est violent. Non, pas des autres. Mais bah, si tu penses ça, bah, écoute, voilà, quoi. Je suis fière de ce que j'ai fait. Puis, écoute, faut être fière aussi. Et puis, faut penser un peu à soi et vraiment faire son chemin sans écouter les bêtises qu'on peut se dire, sur nous. Voilà. Mais c'est un sacré travail, le regard des autres. C'est un sacré travail, mais dès qu'on a passé un petit peu ce cap-là... Oui. Mais c'est un très, très, très gros travail. On a fait une tour, quoi. Hein? Qu'on a passé ce cap-là. Le cap-là. Ok. Il va falloir que je te présente quelqu'un, toi. Comment ça? Un psy. Allez, je voulais pas le dire, mais je crois que c'est ça, ouais. Ça s'appelle comme ça. Avec plaisir. Alors, avec la petite camisole. Ça peut m'aider. Ouh. Ouh, ouais, ouh. Ça me donne déjà envie. Bon, j'aimerais passer aux news. J'aimerais passer aux news, sauf que j'ai mal fait mon taf. J'ai entendu au nude. Alors, on va passer au nude maintenant. Yes. C'est sur Pornhub, la suite. Lien dans la description. Swipe up. Du coup, je n'ai pas fait mon taf, je n'ai pas trouvé de news intéressantes, c'était que la merde. Ah bon, moi j'en ai, tiens. Là, c'est la minute news. Vas-y, excellent. Fais-nous les news, allez. C'est quoi, c'est sur l'actualité? Ouais. Attends. Alors, ce sont des news positives. Ouais, ah merde. Pas forcément. Non, regarde, si, j'en ai une, voilà. Il y a, à Nantes, il y a eu... Attends, je peux la dire, tu veux, parce que c'est moi qui te l'ai donné. Vas-y, dis-le. Tu n'arrives pas à te relire. Les cantines commencent le passage au sans plastique. Ouais, j'ai vu ça aussi. Quelques années en avance, je crois que c'était 2022, je crois, nationalement. Pourquoi sans plastique? Parce qu'ils avaient des gobelets en... Je pense qu'il y a des opercules. Tu sais, quand il y a des cuisines un peu centrales, dans les hôpitaux, tu as les plats qui arrivent tout chaud. Peut-être que c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la cantine pour enfants, au moins depuis la primaire. C'est vrai que le plastique, c'est un truc de... C'est fantastique. Oui. Non, mais... Mais il y en a partout. Il y en a partout. Je me souviens parce que cet été, avec mon boy et un de ses meilleurs potes... Attention, okay. On voit la jeunesse. On s'est fait un petit challenge et en fait, pendant une ou deux semaines, je ne sais plus, on faisait que des courses sans plastique. Et bien, je peux vous dire, les gars, que vous allez au supermarché, trouver de la viande, trouver, des pâtes ou des trucs tout cons, même des légumes, sans plastique, et bien, allez-y, quoi. On vous laisse faire des petites crêpes, et bien, c'était pas possible parce que c'était que en plastique. Enfin bref, c'est que, il y a du plastique, mais partout. Même pour acheter du papier toilette, quoi. Autour du papier toilette, c'est du papier plastique, s'il vous plaît. Mais, genre, mais c'est que ça, de toute façon. C'est un truc de dingue, quoi. Il y en a partout. Donc... Et quand on voit l'état des plages sur certains continents... Bah, s'il n'y avait que les plages. Ouais, les animaux... Les... Après, c'est possible, hein. Moi, j'ai réduit énormément ma consommation de plastique et c'est pas aller acheter aux mêmes endroits. Après, il y a toujours... moi, je sais que je n'ai pas réussi encore 100%. Toujours ce moment où on veut manger à la va-vite et on va à la solution de facilité. Les caisses d'aller autre. Pas gaffe, évidemment. Enfin, évidemment, c'est chiant. Il faut le changer, il faut que ça vienne. Mais il y a quand même des moyens alternatifs. Ouais, mais même, ce qui est dommage, c'est que pourquoi les supermarchés ne font pas où tu viens avec un bocal ou un truc C'est pas rentable, c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable. Mais j'en ai pas envie encore. Ouais, mais tu vois, moi, je vois là, nous, le petit supermarché là, qui est à côté du local, le boucher... moi, quand je lui dis, voilà, je ramène mon plat, il m'a dit, ouais, au contraire, ramène ton plat, comme ça, il n'y a pas d'emballage, et nous, ça nous fait gagner du temps. Oui, mais parce c'est que dans le un boucher, petit truc. Voilà, t'es dans un petit truc. Ouais, et mais puis il maintenant, qu'il tous a... les supermarchés travaillent avec toutes les marques, en fait. Et c'est les marques et la distribution qui font que... Bah, y a une société, c'est à Toulouse ou un truc comme ça, qui ont fait zéro plastique, zéro déchet. Ah ouais. Et en fait, c'est un supermarché où tu viens avec tes bocaux et tout. Mais il y en a à Nantes. Ah oui. Mais il y en a. Ouais, mais on n'entend pas. Il y a le drive tout nu aussi, je ne sais plus où c'est, mais ça s'appelle le drive tout nu en fait. Et tu ramènes tes bocaux et tout, et puis ils te mettent tout dedans. Tu fais ta commande, ils te mettent tout dedans. Il y en a à Nantes dans le centre aussi. Ouais, mais on n'entend pas parler. Dans les biocoop ou ces endroits-là, tu ramènes tes propres. Moi, j'ai mes sacs en. Les coopératives et tout. C'est du coton, je ne sais plus. J'ai mes sacs que j'amène et que j'utilise à chaque fois pour mettre. Ouais, mais c'est dommage, il faudrait en faire plus. Bien sûr. Tu vois, c'est des conneries, mais bon, voilà. Tu peux pas changer tout le monde d'un coup. Ouais, c'est chiant pour les gens, quoi. Il faut faire un effort, quoi. C'est ça le problème. Mais c'est changer. Il y en a qui s'en foutent, hein. Il y en a qui s'en foutent complètement. Ouais. Après, je trouve que ça, quand même, ça se met bien en place, même dans les magasins. On donne plus de sacs en plastique. Bon, enfin, ouais, mais ça doit faire 5 ou 6 ans que c'est. Ils avaient dit qu'ils arrêteraient le plastique, mais ça a mis du temps. Même les doggy bags. Les doggy bags dans les restaurants, ça fait pas longtemps que ça existe en France. Quand tu vois dans les autres pays, c'est tiens, bah vas-y. T'as pas fini, bah tiens, ramène ça. Ça fait après, on n'a pas les mêmes quantités aussi qu'aux États-Unis. Ouais, mais bon. Mais bon, oui, c'est vrai que. Mais c'est ouais, mais par contre, tu vois, par rapport à une news, bon, là, j'ai appris un truc qui était pas très agréable. Auchan. Ouais. La société Auchan va fermer 21 magasins, dont des chronodrives. Pourquoi ? Des chronodrives, ouais. Il y a plus de moyens ? En fait, non, ils sont. Je crois qu'ils demandent à être rachetés parce que soit ils sont en faillite ou un truc comme ça. Oula. Ouais, donc ça, Auchan, c'est un gros groupe. Il y a Decat, il y a. Ouais, mais en fait, c'est que ça représente plus de 600 magasins. Ouais. Et là, là, ils ont commencé à fermer certains hypermarchés, supermarchés, chronodrive et tout. Mmh. Et bah là, moi, je me rends compte, par contre, celui de Route de Vannes. Mmh. Ah oui, ouais. Je pense que lui, il va être un peu sur la sellette, un petit peu quand même derrière. Il est hyper fréquenté. Ouais, il est hyper fréquenté, mais. Après, est-ce qu'il est rentable? C'est ça. C'est autre chose. Oui, c'est je ne me rends pas du tout compte. Mais je suis incapable de parce que tu vas jamais. Si, mais comment tu veux te rendre compte que ce soit rentable? Tu vois, il y a du monde dans tous les sens, ça achète à fond. Je sais qu'on y passe le dimanche matin avant les tournages. On y a, il y a un nombre de personnes incroyables à cet endroit-là. Mais il y aura toujours du monde dans les supermarchés. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'intérieur de du fonctionnement. Bah, comment se rendre compte? Moi, je me rendrais jamais compte si c'est viable. Bah, ou pas, c'est ça, c'est compliqué. Ah, je pense qu'en tant que spectateur, on peut pas s'en rendre. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc je sais pas dire s'il fait armoire ou quoi. Ou... Ouais, mais ça peut, bah, avec tous les magasins qu'il y a plus maintenant. Oui. Dans toute la galerie, il n'y a plus rien. C'est vrai. Bon, après, il y a d'autres magasins qui ouvrent. Je sais pas, il y a les fermiers du coin qui sont à côté de chez nous. Ouais, non, il y en a plein. Il y a plein de trucs qui ouvrent. On a quand même accès à pas mal de choses. Mais maintenant, les gens, ils se rendent compte que les petites sociétés, des fois, c'est celles qui tiennent le mieux. C'est vrai. Même les petits fermiers ou autres. Bien sûr. Il y a des supermarchés, là, tenus par des bénévoles qui se mettent en place, des coopératives. Ah oui, beaucoup. Oui, ça s'est vendu quasiment à prix coûtant. C'est que du bénévolat. Et il y en a une qui a ouvert à Montaigu, je crois. C'est bizarre. Ça, où t'as même les petits fermiers. T'as les petits fermiers où c'est des personnes qui vont chercher directement à la ferme différents légumes, ils font des paniers et hop, ils vendent ça. Sinon, tu vas à la ferme direct. Ouais. Au-dessus de chez nous, à Grandchamp, Trélière, je suis d'accord, mais le souci, c'est qu'avec les horaires qu'on a. Ouais, c'est un mode de vie qu'il faut adapter. C'est ça. Parce que moi, je vois quand je commence, et souvent, aller entre, on va dire, à 9h, le temps d'emmener la puce à l'école ou autre. Mais des fois, je peux finir à 22, 23, à 1h du matin. C'est pas à ce moment-là, à 1h du matin. Salut, je viens chercher mon panier. Leur panier bio, ils font pas encore. Non. Non. Ouais. C'est bien, je suis arrivé avec zéro news. Vous m'avez meublé 20 minutes. C'est génial. C'est ça la classe. La seule news que j'avais, du coup, j'ai retrouvé, c'est que à Nantes, là, il y a eu un millier de muguets volés. Voilà. Pour le premier mai, purée. Voilà, pour le premier. Très cher. Du coup, c'est tout. C'est de la merde. C'est horrible. Non, mais par contre, c'est horrible. Les petits commerçants, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Bah, ils vont les vendre. Je pense que quelqu'un d'autre va vendre ses brins de muguet. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais franchement, mais qui se dit je vais aller voler du muguet? Si vous voulez des trucs, voler en grande surface, quoi. Voler. Non, mais oui, effectivement. Vous voulez pas payer, vol. Mais ça, c'est ouf, qui fait ça? Mais Leclerc, tu payes pas, de toute façon. Ah bon? Ben en parlant de pas payer, on va continuer sur les anecdotes. Et hier soir, quand je suis allé acheter à manger, j'ai acheté du pain et du kiri. Et bah, et un paquet de chips, je crois. Et bah, il m'a pas compté le kiri. Il a pas scanné le kiri, du coup, j'ai gagné le kiri. Il a pas scanné le kiri? Ouais, j'avais 3 articles, il m'a scanné 2. Je sais pas si le mec était crevé, il avait hâte de finir, mais il m'a scanné. Et là, à ce moment-là, je parie que t'as rien dit. Ouais, tu lui as pas dit, ah attends, excuse-moi. J'ai bugué à un moment, j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais? Et puis après, j'ai vérifié mon ticket de cash, je fais « Ah ouais, bon. » Oh putain. Puis t'as déjà fait 2 pas, tu dis « Bah, bon, c'est pas grave. » Enfin... Mec, tu viens de perdre ton boulot, allez. C'est ça, t'es viré. Je vais balancer, c'était dans une station-service à 22h à Paname, dans le 15e. Il y avait un autre truc comme ça, si on peut continuer sur les anecdotes, où on avait un gros bug, nous. Les haches. Les haches. Ah putain, oui. Vous avez acheté combien? Bah, en fait, c'est ça le truc. Je sais pas comment, par où commencer. On est arrivé. On avait tous les deux. On voulait tous les deux acheter une hache, parce qu'on voulait couper du bois. Voilà. Logique. Ah oui, c'est très courant, mais c'est pas grave. Du coup, on est allé acheter nos haches et on a posé, bah, tu sais, une hache, un petit séparateur de tapis roulant de magasin, une deuxième hache. Voilà, on avance. Je sais pas qui était en premier. Le premier passe. Le caissier scanne la hache. La hache passe. La caravane passe normalement, non? Bon, le chien aboie en tout cas. Et merde, comment ça s'est passé? En fait, il a passé la deuxième sans la scanner, comme si c'était la première. Un geste machinal. Alors qu'il y avait le séparateur et on se suivait. Et du coup, on a pris la hache, mais nous non plus. Oui, c'est ça le truc. Et en fait, il a pas fait attention. En fait, je sais pas qui a récupéré la hache en deuxième. En fait, t'as eu deux haches pour le prix d'une. Oui, c'est ça. En fait, il y a un de nous deux qui a payé. Après, on s'est remboursé en café. Ouais. Et vraiment, le deuxième, je sais plus qui c'est, a pris la hache. Et on a eu un moment où ça regardait. Et puis, tu sais, c'est à ce moment-là de. Bah, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens de ce moment, ouais. C'est ce gros doute à deux, tu sais. Non, mais sans parler, tu communiques tellement avec les yeux à ce moment-là, c'est génial. Mm. Et puis, on est parti en se disant, mais c'est pas possible, il va nous rappeler, nous dire, attendez, j'en ai compté qu'une. Et jamais. 10 balles, je crois que c'était ça. C'était pas cher, oh, mais c'est. Oui, mais c'est un problème de stock. Même, enfin, t'achètes un truc, tu le payes. Bah oui, sauf bien les kiris. Ça dépend. Mais c'était improbable et tellement irréel. Tu te dis, mais ça n'arrive que drôle. Dans les films. Mais c'est très drôle. Ça, je me souvenais plus de cette anecdote de la hache. Ouais. C'est génial. Mais ça s'appelait comment, la hache? Hein? De Noé. La hache. Ma langue a fourché. Je voulais pas dire hache, je voulais dire hache. Je sais pas, il y avait le guide du bûcheron avec. Oui. Alors voilà, on a pris à couper du bois, il y avait un petit guide qui était collé dessus. Bon, après, on l'a collé vraiment sur le paravent de la Twingo. Et t'as réussi à couper du bois. T'as réussi. À couper du bois ? Oui. Bien sûr. Bah, oui, on allait en forêt. Après, on allait prendre un Ricard. Après, on allait... Vous vouliez aller couper du bois déjà. Il y a eu un délire comme ça au début avec Elliot. C'était pas pour aller faire un feu à Grand Champ des Fontaines. C'était pour aller faire un feu. Vous savez faire le feu ou pas ? Hein ? Est-ce que vous, fallait, vous savez faire le feu ? Ouais, avec des bois et de la. Bah, on avait des allumettes. Ah bah non, faut ah bah, la faire à la Koh-Lanta, les gars. J'étais sur une vanne, je pensais qu'elle allait faire. Regarde, c'est comme ça qu'on fait le feu. J'attendais tellement ça. Est-ce que vous savez faire le feu ? C'est genre, j'ai un super truc à vous montrer. Et je suis en fait, c'est toi qui l'as fait. En fait, pour une fois. Ah bah non, je sais faire avec des cailloux. Okay, mais du coup, tu sais faire du feu sans rien. Fais le feu, vas-y. Mais non, mais. Non, mais... Alors, non, mais j'ai vu ça, un tuto dans Koh-Lanta. Et tu l'as fait, putain. Ah, ça y est. Il faut un petit tronc d'arbre comme ça. Il faut un espèce de bambou. Après, t'as une ficelle. Et ça échauffe. Ouais. Après, ça échauffe. Et des brindilles. On dirait qu'elle est en train de faire la cuisine. C'est du feu. La cuisine vietnamienne. Dans des waka. Waka waka. Nouveau nez. Porc. Poulet. On est dans l'autodérision, les gars. Regarde ça après. T'as des moins mimi. Oh là là. Ça a de moins en moins de sens. Oh mon dieu, mon mascara c'est génial. Cool. Allez, on va passer au dernier. Aux chips. On va passer au dernier sujet. Et c'est tout simplement des vidéos et des images drôles. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Si, bien sûr. Ça va être génial. Évidemment. Mais c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu, c'est juste que je vous montre des trucs, on rigole, et puis voilà. Je crois que c'était le jeu, le challenge là sur YouTube. C'est quoi le challenge ? Influenceuse, la meuf. Alors, ouais, oui. C'est clair. Non, c'est hashtag. En fait. Elle a fait le hashtag à ses mains. Elle a dit, c'est génial, c'est pas hashtag. C'est... Alors, c'était hashtag. Hashtag, essayer de ne pas rire. Ah, essayer de ne pas rire. En gros, ils regardent des vidéos. Ah, ils racontent des blagues et tout. Voilà, et genre, parfois, ils ont de l'eau dans la bouche, ils doivent pas rire. Enfin, bref, ou des trucs comme ça. Ouais. Et voilà. Oui, sinon, il y a les blagues, c'est ça. Ouais. Les battles de blagues. Mais ça, c'est pas essayer de ne pas rire. C'est canadien, ça. C'est le joke de papa. Ah oui, joke de papa. Non. Mmh. Ah, c'est ça. Oui, si, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et, mais c'est canadien à la base. Trop marrant, faudrait faire qu'on fasse ça un jour. Voilà, ok. Ok, ça c'est bon, ça. On commence avec une petite image drôle. Mais est-ce que tu vas les mettre à l'écran? Ouais. Ou les incruster dans le en fond En fait, elles vont être derrière et oh, oui. Nous on va être en petit. Est-ce tu verras dans la vidéo. Est-ce que tu peux pas incruster un chat en hélicoptère derrière? Ça y est, on est en train de la perd. Un chacoptère, ok. Il y a un chacoptère là. Il y a un contexte à expliquer. C'est que quand t'es parti chercher Fabien, je sais plus quoi, tout ouais. Elle est restée. Elle a dit ah, mais le fond vert, vous allez incruster des trucs. Et si je dis et là, il y a un chien. Et du coup, et je lui ai dit bah, si tu veux, c'est Elliot qui fait le montage. Oh ouais, je vais trop le faire chier pendant toute l'émission. Et là, elle est même pas réussie. Et elle te le fait pour la première fois. Chacoptère. Et bah, là, faut le remettre. Il y a ton chacoptère. Voilà. Mais vous savez ce que c'est, un chacoptère ou pas? C'est hyper... Bah non, mais je vais voir du coup, c'est moi qui va mettre. Bah vous allez mourir de rire, chacoptère. Okay. C'est un rapport avec le chabit? Oh. Avec l'hélicobit. J'ai hésité à dire ça, mais je me suis retenu. Parce que moi, je connais un expert en hélicobit. Ah, mais on peut bâcher, il veut ça à Chrono Drive. Tu peux mettre une vidéo ou pas derrière? Ouais. Vidéo chacoptère. Tu regarderas sur YouTube. Ok. J'espère que vous vous marrez. Hein. C'est hyper drôle, les gars. Mais de toute façon, tout ce qui touche aux animaux, je trouve ça. Est-ce que tu peux mettre Perforas? Et maintenant, Perforas, mais avec un Pokémon sur l'épaule. Et en fait, c'est Pikachu et il crache du feu. Ouais. Là, tu galères, là. Hein. Je suis désolé pour le montage. Ce sera coupé. Je m'en veux. Ce sera coupé. C'est mérité. Je ne mets pas en full screen parce qu'il y a une deuxième partie d'image, mais je vous la montre après. Donc, on a ici une petite photo de vacances. Donc, je ne sais pas qui c'est, hein, on s'en fout, c'est une famille. Voilà. Mais il y a un petit détail. Est-ce que vous le voyez ? Non. C'est pas au niveau du canon ou un truc comme ça ? Ouais, là-bas au fond du canon. Là. Ouais, qu'est-ce qu'ils font là-bas au fond ? Ils mettent leur gosse dans le canon en fait. Oh, les enfants, ouais. Oh, je vais faire ça, moi. parler d'éducation avec tes parents, voilà. Le contexte familial. En parlant d'éducation. Lui, je suis sûr, il bâche les gens parce qu'ils sont vietnamiens à l'école. Moi qui pensais connard. Juste abandonner mes enfants sur la route, ils ne bougeaient pas. Non, j'irais les mettre dans les canons. Tiens, chérie, il y a des canons là-bas. Viens. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Oui, on va passer sur des vidéos majoritairement maintenant. Première vidéo, je sais plus ce que c'est. Si, alors. Jacopter. Je sais pas ce qui. Ça y est, là, ça y est, on l'a perdu. Est-ce que là maintenant tu pourrais remettre la vidéo avec les deux gars qui font ça dans les coussins là qu'on avait beaucoup aimé? Ah oui. Yes. Non, non, non. Faut que je la retrouve. Ouais, ouais, je vais la retrouver. C'est vraiment pour te faire chier. C'est vraiment parce que je me souviens du titre de la vidéo. Ah ouais. En fait, c'est le seul. Mais qui se souvient J'avais pas de bad. Du coup, je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo. Je pense que le mec met de l'eau dans de l'huile bouillante. À l'eau, à l'huile. Oh putain. Et carton rouge 5 minutes, tu coupes ton micro. Non. Ah, on peut mettre des pénalités comme ça. Rouge. Tu sors 5 minutes, tu reviens après. Bon, voilà, je vous montre. À mon avis, il dit adieu à sa caution. Waouh. Oh la vache. Voilà. Donc ne faites pas les cons avec votre cuisine. Je vais le remettre. Mais il a fait ça de manière voulue. Je pense que vu les précautions qu'il a pris, il a fait ça de manière voulue. Et, vraiment, je pense que c'est qu'en fait, il a mis de l'eau dans de l'huile, parce que souvent, ça fait une espèce d'explosion quand tu fais ça. Dans de l'huile bouillante, tu mets de l'eau et ça explose. Je sais pas, je sais pas s'il a parlé. Pour moi, en physique chimie, quand on m'apprenait l'huile et l'eau, tout ça, c'était juste des éclaboussures, pas du feu. Juste des projections. Je sais pas. Non, mais surtout, t'as déjà le feu, donc ça veut dire qu'il est. Ça l'a amorcé en plus. Non, c'est pas un gaz, c'est bien liquide, mais après quoi. En tout cas, peut-être qu'il a mis du caca parce que ça s'appelle Holy Shit. Non, ça c'était le titre du mec qui a posté. Enfin, bref. Ça c'est fait. En tout cas, ça correspond bien. Hein. Donc voilà. Voilà. Où c'est... Tain, ça me fait penser à la pochette de Rage Against the Machine. Le moine. Avec le moine qui s'immole. Flamme aussi. Putain, c'est vénère. Donc, Maddy, t'aimes bien les animaux? Ah, j'adore. Donc là, on a un chat qui fait des câlins et une marmotte. C'est pas vrai. Si, regarde. Oh, Nini, il est trop mignon. Oh. Ils se font des bisous. Oh là. Oh là là, mais c'est tellement mignon. C'est quand même trop mignon. Ouais, c'est trop mignon, avoué. Il lui met une droite à un moment ou... Non, non, vraiment. C'est, ça reste mignon. Trop mignon. Voilà, un chat et une marmotte. J'avais jamais vu, du coup, j'ai craqué. Charmotte. Charmotte, ouais. Oh là ça coupe. Là. Hein. Non, mais j'essayais de rebondir. Mais... Non, c'est déjà tellement c'est nul. C'est trop de la merde. Alors, cette vidéo, on la trouve sur YouTube ou pas? Comme ça, je vais me la regarder en boucle. Bah, sûrement, j'en sais rien. Oui, il va te l'envoyer, ça ira plus vite. Parfois, moi, je fais ça. Ensuite, je ne sais plus ce que j'ai. Allez, hop. Ah, si. Alors, c'est un mec qui. Ah, qui est en pas fait, content. Qui transporte sa voiture. Tu vois, la voiture noire, là, elle transporte la voiture blanche. Ah, sauf que le mec, il savait pas comment faire. Du coup, il a foutu un fil, là, tu vois, comme ça, là. Comment ça? Là, il y a un fil. Ah oui. Et il trimballe sa voiture comme ça. Mais ça va pas. Oh, sauf que le mec est barré, parce qu'évidemment, ça peut pas fonctionner. Faut être vraiment con. Et en plus, il baise sa caisse. Oh. Voilà. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a pas le pilote à côté. C'est aux y a États-Unis. Pas de pilote. Mais là, il y a personne là-dedans. Ouais, c'est ça. Là-dedans, il y a personne. Le mec, il pensait juste que en tirant sa caisse. Ah non, là, faut être à deux. Ah, ça c'est le chat. Pourquoi le mec pensait vraiment que juste en tirant sa caisse. Enfin, je veux dire, faut être con quand même, faut être barré. Ah bah, y en a qui ont, ben, ils ont pas inventé l'eau chaude. Hein. Mais là, tout pour faire un monde. Là, quand même. Je veux dire. Mais il a eu la chance que la bagnole ne va pas dans la baraque en face. Hein. Oui, parce que là. Elle aurait continué et pouc. Enfin, ça m'a fait halluciner. Mais j'ai trouvé ça génial. Puis à la fin, il pète son. Enfin, en plus, c'est le summum de la connerie, quoi. Ouais, c'est pas très intelligent, effectivement. C'était la conclusion. Ensuite. Oh, ça, c'est là, vu. Je te l'ai montré. Elle est connue, celle-là. Ça doit faire mal, par contre. Hein. En fait, c'est. Allez, vas-y. Oh, alors, attends. Mais... Donc, c'est des nanas qui font du roller pour la première fois. Mais elle est trop conne aussi, quand même. Écoute bien, Maddy. C'est quand même hyper con. Rire de ces pauvres filles. Non, mais en même temps, elles sont pas intelligentes. Enfant, les gars. C'est parce que le mec en bagnole. des animaux, d'accord, on en rit, mais enfin. Mais franchement. C'est la connerie humaine, non. Bah, j'ai déjà essayé de faire du roller ou du skate, et à chaque fois que je monte sur un truc à roulette, je tombe en fait. J'arrive pas à tenir. Non, mais j'arrive pas à tenir sur un truc à roulette. C'est, oui, je ne sais pas pourquoi. En pleine descente mais... comme ça, mais d'où? Bah, elles se sont dit, ça va avancer tout seul, ce sera plus facile. Ah bah, ça avance tout seul. Elle va droit dans le mur. Je pense que j'aurais été capable. J'aurais été capable de le faire. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et surtout qu'elle a juste des petits freins à l'arrière qui servent strictement à rien. Bah, du coup, elle essaye de les utiliser, mais. Elle les utilise en plus. Sa pote qui se casse la gueule juste avant. Ouais, je pense que je trouve le moyen de tomber avant de me prendre le mur. C'est ça, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a préféré crier quand même. Ah oui, l'autre. Parce qu'on. Ouais, on elle, en regarde qu'elle qu'une. A fait. Mais la première. En fait, elle a annoncé son arrivée. Ah, mais elle a ni genouillère, ni. Elle a vu. Non, là, elle s'est dit ok, je suis baisé, je vais tomber. Voilà. Comme une merde. Mais elle est tombée. Que l'autre, non. L'autre, elle a préféré par crier pendant 5 secondes. Par contre, elle a dû se faire mal. Quelque chose de bien. Là, je pense qu'elle a une dentition ah toute non, neuve. Ah non, mais là, c'est un truc de dingue. Ensuite, pour rester sur le thème des Avengers. Voilà. J'ai. Sans spoil. Hein. Non, c'est pas un spoil du tout. Cool. C'est juste un groupe d'Asiatiques, tiens, voilà. Ah, super. Ah bah. Alors, par contre, il n'y a pas la tête. C'est pas très bien cadré, ça. Comment ça se fait que c'est cadré comme ça? Bon, heureusement, il n'y a que le son qui compte. Normalement, la vidéo, elle est mieux cadrée. Tu vois, là, sur l'aperçu, on les voit tous. C'est peut-être ton VLC qui... Ouais, en relançant. Bon, bon il aime pas. Bref, on s'en fout. C'est un peu raciste, c'est juste le son. En fait, ils font le thème des Avengers a cappella. Et en beatbox. Et je trouvais ça super bien fait. Le groupe de Nana, ouais. Lege, Ellie G, c'est ça. Ouais. Ça me fait penser aux Voca People aussi. Je sais pas si... Ouais, ils sont bons. Hein. J'adore ce genre de truc en fait. Ouais, c'est impressionnant. C'est comme ceux qui avaient fait avec des tubes de différentes tailles. Et il s'amusait à faire. Ah oui, oh, ça y est, sur les tubes de musique. Des tubes de différentes tailles. Ah, ouais, de couleurs ça. Et tout. Et ils ont refait des chansons et tout. C'était trop bien. Faudrait que je t'envoie le lien. Comme la petite vidéo que je t'ai envoyée. C'est hier, je crois, un truc comme ça. Le mec, il fait de la guitare et sa nana qui tape sur la gueule pour faire un son. Ouais. J'ai répondu lol. Ouais, sa nana. Tu verras, je t'envoie. Ah, non. D'accord, sa nana. Ouais. D'accord. J'avais compris sa nana sur YouTube. Bref, dans le jargon. Hashtag. Hashtag youtubeuse, influenceuse. Ouais, je le chope ce tic. Hashtag. Hashtag no filter. Non, mais alors... je l'ai appris à ma mère, laisse tomber, elle le fait maintenant. Oula. Ensuite, pour finir, tiens, j'ai pas fait de découverte technologique, j'ai complètement oublié. Ouais. Bah, bref, il y a le alors, je sais pas comment. Le Huawei. Huawei, voilà. Donc, il y a le P30 qui sort et qui a un zoom monstrueux. Et donc, il y a une. x50. Moi, j'ai vu cette vidéo, en fait, voilà, ça, c'est x50. C'est ça. Et c'est hallucinant. Bah, ça vient de chez vous, ça. Ouais, c'est, bah oui, on est les meilleurs, hein, que veux-tu que je te dise. On est l'intelligence. Je sais pas si vous vous rendez compte, x50 les gars. Ah ouais, quand même. Tu as vu quand ça même voir. Je sais pas à quel étage il/elle est. Je pense qu'il est très très haut. Je pense qu'on est sur un bon 13e étage. C'est simple, t'essayes de calculer par rapport à ce qu'il y a devant. Et t'arrives à lire ce qu'il y a sur les pions de mecs qui jouent en bas, mais c'est hallucinant quand même. Et encore, la qualité est très très bonne encore. Mais la qualité, pour un zoom comme ça, je trouve ça top. Et t'arrives à même lire sur le t-shirt. C'est délirant quand même. Ça n'a plus aucun intérêt photographique, mais c'est une prouesse. Pour la photo. Ouais, non, pour la photo. Si t'as envie d'espionner ta voisine là-bas. Ah bah là, tu comptes les poils sur le téton. J'ai vu des articles qui parlent justement de la vie privée avec ce nouveau téléphone. Ouais. Qu'est-ce que ça devient, quoi. Après, c'est déjà le cas avec les drones, les jumelles, c'est pareil. Les drones, aujourd'hui, on les entend encore fort. Oui. Tu le sens arriver le truc. On les voit. Il y a peut-être quelqu'un qui me regarde. Mais alors, ça, c'est vrai qu'on a besoin d'un permis pour avoir un drone. Pour l'utiliser. Pour les gros drones permis, de ce que je sais, je suis pas sûr. Ouais, pour utiliser un drone. Les petits drones, non. Il n'y a pas de permis, mais par contre, il faut des autorisations selon la zone dans laquelle tu es. C'est ça, oui, il faut des autorisations pour les utiliser. Et tu as une carte générée par je ne sais plus quel organisme. ouais, gouvernementale. Ouais, parce que t'as des zones, c'est des fois c'est interdit. Secret et autres, c'est interdit. Ah oui, bien sûr. Non, mais au-delà du secret, c'est juste la ville. Ouais. Nantes, tu ne peux faire voler nulle part. Hein. Bah après, en même temps, ils ont peur d'être pour tout ce qui est attentat et autres. Oui, évidemment. Non, mais c'est quelque chose. C'est un autre réseau. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça m'a étonnée parce que. Je voyais pas trop, mais effectivement maintenant oui. Ça... Mais le permis, c'est peut-être de savoir le gérer à mon avis, mais oui, c'est surtout aussi être au courant des fréquences de transmission, des moments où tu peux voler, demander les autorisations. Ouais, avec le vent faire. Et autres. Voilà, c'est pas que juste savoir faire voler parce que c'est une console. Oui, hein, non, c'est sûr. Ouais. Mais j'avais vu une vidéo où c'était un mec qui faisait. Qui jouait au Chocopter. Qui, non, pas du tout. Qui faisait sa déclaration de mariage à sa fiancée. Oh, putain, ça me dit quelque chose. Et en gros, il avait mis la bague sur un drone. Et du coup, tu voyais le drone avancer vers eux deux. Et puis, la nana qui se tourne un peu. Et puis, elle voit le drone juste à côté d'elle avec la bague. Alors qu'en vrai, elle a dans les oreilles depuis 500 mètres le truc. Quoi. Ça fait c'est juste trop mis en scène, c'est obligé. En scène. Ou elle a fait exprès de pas faire gaffe. Oui, mais quand on sait pas qu'un drone fait du bruit, bon, oui. On peut y croire. Mais bon, ouais, c'était rigolo quand même. Ouais. Je me suis dit, t'as cliqué. Ouais. Je suis allergique. Ah bah, les copains, ça fait 1h40 qu'on parle ensemble. Wow, ça va être notre plus longue émission avec vous. Ah, il y a beaucoup de merde, il y a peut'être un peu de cut à virer. Ouais, je pense. Je pense que tu vas être à 10 minutes au moins. On est 4, donc bon. Ouais, on est 4, ok, s'il te plaît. Alors, hashtag ça fait beaucoup. Tu peux pas te best. Tu connais. Ok. Bah, en tout cas, merci de ouf d'être venu. Merci, merci à vous. Merci à ouf. Ouais. Merci de ouf, ça va, tranquille. Tu connais. Je t'en prie. TMTC. Hashtag tranquille. Ça va te rester, ça. Bah, le petit mouvement du. Hashtag tu connais. Hashtag JPP. Et ce hashtag-là, tu le connais. Smiley, mort de rire. Hashtag va des rétro. Merci d'être venu, d'être passé ce moment d'être avec nous. Passer. Plus de mots, c'est la fin. Nique le français. Et puis heureux d'avoir partagé ça avec vous. Abonne-toi, abonne tes potes. Ça veut rien dire non plus. Abonnez-vous aux Instagram et au Facebook. Ouais, on a le lien de tous les travaux de tous. Voilà. Eh, je suis choc. C'est ça. Hashtag pas de bruit. Allez, bonne soirée. Allez, salut. Bisous. Ciao. Deuxième. Oui, désolé. Tu me passes un jus de fruit. Je suis sûre que ça faisait 20 minutes qu'il attendait pour ce moment. C'est ça, exactement. Là-bas. Et tu sais, on dirait un gosse. Tu me passes un jus de fruit. Bon, toi avec ton téléphone, non. Ouais, bah attends, un peu de respect quand même. Je voulais être gentil avec vous, bah voilà comment on me parle. On reprend directement. On reprend directement, ok. Fabien, vous allez au coin, s'il vous plaît. Il est où le bonnet d'Anne? Vous avez eu vraiment eu ça, vous? Ah non. Ouais, arrête, quand même. Je sais pas. Je sais pas, on en parlait et tout. Ah bah, tout ce qui est ça, tout ce qui est bonnet d'Anne, c'est plus les années... Allez, jusqu'aux années 70. Oh, ça y est. Ça n'a aucune cohérence. C'est clair. En fait, il a même pas écouté, il sait pas de quoi on parle. De quoi? Bah, les spectateurs aussi, parce que là, ils arrivent en plein milieu de conversation. Donc, en fait, on est en train de dire que Fabien est vieux, voilà. Ouais, c'est ça. Ça bâche. Bah, Fabien, t'as combien déjà? 35 ans? Ouais. Bon, ça va encore. Ça va. Ouais, en fait, j'ai oublié de dire, j'ai ma canne qui est juste à l'extérieur. Tracane, c'est ta meuf? Ah. Oh, ça y est. Bah, c'est peut-être un nom doux. J'ai compris Macken. Macken. Oh, bah là, j'espère que c'est ça. J'ai pas osé le dire, mais j'entends du Macken. Oh là là. Oh, la jeunesse. Hier soir, j'étais en soirée. Bah ouais, parce que hier soir. Et enfin, soirée. Et t'as mangé une pomme. Et les gens, ils jouaient à Taken. Taken? Ouais. Taken. Taken. Taken, ouais. Taken. Taken. Le jeu de combat? Ouais. Ok. Taken. Et du coup, ça me faisait rire toute la soirée parce que, bah, Taken. Enfin, bref. Oh. Et que moi je connais pas le jeu vidéo, du coup je découvre. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. J'avoue, c'est drôle. Bah, c'est génial. Ouais. Je me suis mis dans ta tête et je trouvais ça drôle. C'est là, vraiment, ça passe tu gamer, joues à quel là. Jeu? Bah, Taken. Bah, oui, Taken. Mais c'est un jeu de mots. sortez. Le jeu en lui-même, non, à mon avis, c'est le nom du jeu. Après, je l'ai entendu comme un jeu de mots, moi. Ah oui, bah oui. Je pensais qu'on faisait évidemment une vanne. Comme si on appelait un jeu, t'as perdu. T'as perdu. Oh, c'est pas vrai. Bah, il y a peut-être un concept à prendre là, non? Le jeu tape. Non, allez, salut. Ouais, tais-toi. On n'entend pas.